Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Il est 6h26 sur Fun Radio et nous sommes là. Nous sommes là. On a un petit peu du mal, mais nous sommes là. Complètement dans le coltard. Mais sinon, ça va. J'ai connu pire. Moi, pas non. J'ai une grosse journée qui m'attend. Là, il est que 6h26 mais et oui, j'ai du mal. Et le problème, c'est que Julie n'a pas fermé l'œil de la nuit. Alors, non. Qu'a-t-elle fait? Trop de sexe, peut-être? Je ne sais pas. Non. Je devais dormir, donc non, ah, mais bon, je n'ai donc, pas réussi alors, ça, à dormir. C'est pas ça, donc c'est bon, ça, on a compris. On note, on peut barrer, hein. Biffer la mention inutile. Voilà. Bon, il y a Monsieur Love aussi qui vient d'arriver là. Ça va bien? Ouais, ça va très bien dans le noir, mais ça va bien. Ouais, ah, alors, on est bien dans le noir. Ouais. Ouais. On a décidé de faire le mode morning de by night. Ouais. Ouais, mais on s'est dit que c'était bien, qu'il fallait pouvoir le tenter. On n'allume pas les lumières. Ouais, voilà, c'est ça. On fait des économies d'électricité et je trouve que c'est bien. Franchement, c'est bien. Ça, c'est un bon signe pour l'avenir. Ah bon? Oui, bah on va demander à Doudou alors, hein, si c'est un bon signe pour l'avenir. Eh bah écoute, on lui demandera, hein, Doudou qui sera bien évidemment avec nous tout à l'heure, bien sûr. Ce sera aux alentours de 7h10. Voilà, et Toff qui, bah, je sais pas où il est, je l'ai vu traîner tout à l'heure là, mais je ne sais pas Toff où il est. Toff est avec sa lampe de poche. Ah oui, c'est vrai. Toff est avec sa lampe de poche. Je cherche de la lumière. Oui, la lumière n'est pas si loin. Je cherche à couper l'alarme aussi qui pète les plombs depuis qu'on est arrivé. Ouais, ouais. Sonne un petit son strident voilà. Comme ça. Non, il faut savoir qu'on a eu quelques petits problèmes techniques, c'est pas très grave, non. On vous expliquera. Mais le principal, c'est que nous sommes là. Voilà, oui. C'est ça que je voulais dire. Le principal, c'est que nous sommes là. Et nous sommes là chaque matin, évidemment, entre, entre 6h et 9h30. Voilà. Et pour combler, Julie va chanter. Oui, tout à fait. Une petite chanson. Bon, ce matin, pas mal de choses, notamment des caméras numériques. Et puis, on aura aussi, bien évidemment, les scooters, les Kymco 125 cm3. Ce sera à gagner, bien évidemment, tout à l'heure. Je vous expliquerai comment faire. Faut vous inscrire, en tout cas, dès maintenant, si vous le souhaitez. En tout cas, 6322, débutez le message par scooter. Vous gagnerez d'office, si vous êtes tiré au sort à l'antenne, vous gagnerez d'office 25€ pour aller faire le plein chez Octaplus. Donc c'est plutôt... Ça fait quand même plaisir avec le prix de l'essence pour l'instant. Et ça fait plaisir. Et le but, évidemment, c'est d'arriver à découvrir la plaque minéralogique du scooter. Ouh, suspense. Oui, tout à fait. Donc le premier qui va arriver à la découvrir, eh ben c'est pas compliqué, repartira avec le scooter 125 cm3. Bon, je vous donnerai mon adresse PayPal des fois, parce que j'ai la plaque hein, sous les yeux. Hein. Ah oui, donc tu es prêt à te faire soudoyer, quoi. Ah oui, tout à fait. C'est pas ça, compliqué. C'est une très bonne affaire. Le premier qui me verse 10 000 euros repart avec le scooter. Toi, dès qu'on parle de pognon, t'es au taquet. Hein. Oui, tout toujours, à fait. Toujours, il ne connaît que ça. C'est la seule et langue le robillon, tu n'as toujours pas gagné, Mickaël. Toujours mais, pas, non. Non, mais je vous l'avais dit en même temps. Vous c'est pas grave. Croire. Par contre, j'ai gagné Win for Life et ça, c'est beau. Ah, combien 5 euros. Non, 10. Ah, quand même. Autant ah, oui. Pour moi. Ah oui, ah, oui. Non, mais il y a vraiment pas de foutre de ma gueule, là. C'est ce que j'ai dit depuis le début. Bon, dans un instant, donc voilà, je vous ai dit qu'il y a plein de trucs à gagner, le temps que le jour se lève pour qu'on puisse voir quelque chose dans le studio. Et je vous énumère tout ça. Il y a aussi des appareils photo numériques, comme je le disais. Et avant ça, j'ai la petite devinette qui colle. Alors, attention. Petite devinette qui colle, vous êtes prêts? Allez, on est prêts, on s'accroche. Elle colle bien celle-là. Hein. Elle est d'une simplicité, tout est dit. Qu'est-ce qui est carré et bleu? Voilà, si vous avez la bonne réponse, hein, n'hésitez pas. Vous faites maintenant le 6322, c'est 1€ par message. Qu'est-ce qui est carré et bleu? Vous envoyez donc vos réponses. Maintenant, 6322, 1€ par message. On aura l'occasion de vous payer vos factures aussi, bien sûr, tout à l'heure. Et puis, les infos, elles vont arriver dans un instant. On est déjà en retard, mais c'est pas grave. Moi, j'ai une petite question. Ah, bah, juste après. Qu'est-ce que c'est sur la table? Rien, il est en train, tu vas voir. Comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben, essaye de me réveiller déjà, espèce de petit. Mickaël, à la radio. Et bienvenue sur Fun Radio, 6h30, les infos maintenant avec Julie. Ah oui, on t'entend mal, effectivement. Oui, oui voilà. Si tu n'allumes pas mon micro, ça va être très très compliqué. J'ai dormi 2 heures cette nuit, s'il te plaît. En plus, je te lance un petit regard. Enfin, c'est vrai, je te dis qu'il y a quelque chose qui cloche. Je ne te vois pas, dois-je te rappeler? Nous sommes dans le noir. Salut à tous, bon, on va essayer de tenter de faire des infos. Les premières infos dans le noir. Oui, et peut-être les dernières. Mais non. Réunion importante cette semaine au chapitre politique. Réunion qui devait se tenir autour du formateur Elio Di Rupo avec les 8 présidents de parti prêts à négocier. La réunion qui devait avoir donc lieu ce matin a été reportée à demain matin. Motif, une difficulté. Difficulté d'agenda de Jean-Michel Javot. Lors de cette réunion, Elio Di Rupo présentera au Oui Parti les modifications à sa note. Ces modifications concernent bien sûr BHV, la loi spéciale de financement, l'autonomie fiscale, les transferts de compétences ou encore le renouveau politique. En attendant, le formateur a poursuivi durant tout le week-end ses contacts bilatéraux à un rythme soutenu. De son côté, la NVA qui s'est retirée des négociations en juillet dernier, eh bien elle espère l'échec de ces négociations. Son président Bart de Wever Lever a déclaré ce week-end qu'au moins ça marche pour la formation d'un gouvernement, au mieux ça fonctionne pour la NVA. Manifestation d'une soixantaine de parents pour les élèves sans école. L'action s'est déroulée à Bruxelles en face des bureaux de Marie-Dominique Simonnet, la ministre de l'enseignement obligatoire. Ses parents ont dénoncé les souffrances et les angoisses des élèves victimes, d'après eux, d'une violence institutionnelle récurrente. Les parents ont également appelé à la création d'une centaine de places supplémentaires en première année de secondaire pour la rentrée 2012. À Charleroi, une terrasse s'est effondrée et un jeune homme a chuté de 4 étages. Dimanche, deux hommes de 25 ans se trouvaient sur la terrasse d'un appartement en compagnie d'Almi, boulevard Thirou, lorsque la rambarde de celle-ci s'est effondrée. Le premier est parvenu à se rattraper de justesse au troisième étage, mais le second a chuté. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital et est gravement blessé. Ce matin, son état est toujours critique. Son ami n'est lui que légèrement blessé, mais sous le choc. D'après les premiers éléments de l'enquête, la vétusté du bâtiment est en cause. Et puis un enfant a perdu la vie sur une aire de repos. Un petit garçon âgé de 8 ans et de la province, originaire de la province de Luxembourg, est décédé après avoir été renversé par un véhicule samedi soir sur l'aire de repos de Telin sur l'autoroute E411. L'accident s'est produit vers 18h30. L'enfant aurait été percuté par une voiture qui quittait sa place de parking malgré l'intervention des secours. La jeune victime est décédée sur place. En sport... Ah oui, pas de oui, sport. Le sport, tu m'as dit. Xavier Malisse, il a été éliminé en huitième de finale double. Et puis, grosse frayeur pendant la conférence de presse de Rafael Nadal. Il devait commenter donc sa victoire à l'US Open toujours, mais il a été pris de crampes très violentes. Il a donc glissé de sa chaise. La salle de presse a été évacuée. Mais heureusement, 15 minutes plus tard, il a continué sa conférence de presse. Mais bon, frayeur pour tout le monde. Ouais. D'accord, ok. Puis mauvaise et puis, météo, enfin, je vais essayer parce que Toff m'agresse avec sa langue de poche. Donc, météo, aujourd'hui, on aura droit à quelques éclaircies et aussi, bah tiens, quelques averses isolées. Ah, hein, bah, tiens. Surtout sur l'ouest du pays, les averses. 15 à 20 degrés cet après-midi, donc pour les températures. Et demain, matinée pluvieuse et éclaircie l'après-midi. Oui, il fallait surtout pas que ça dure trop longtemps. Ah, hein. Bah non. Ah, bah dis donc alors. Faut pas espérer. Dans un instant, sac Noël et puis surtout l'info en plus. Fun Radio. Alors, l'info en plus à 6h36. Alors, moi, j'avais très envie de vous parler du Pékin Express version tout nu. Version ah tout nu, bah voilà une bonne nouvelle. Alors c'est pas exactement Pékin Express, c'est une nouvelle émission de télé-réalité. C'est Pékin Express. Ah non, ça s'appelait nu et culotté, donc ça n'a rien de sexuel. Ah ouais, mais c'est surtout juste... le titre est pas terrible, si je puis me permettre. Ah oui non le titre pas vraiment. C'est nu et culotté, pas vraiment excitant. Non. Et bon en tout cas c'est deux amis qui ont le défi de partir nu dans une forêt de la Drôme et aller jusqu'en Corse pour faire du parapente. Ah donc ouais. Nu comme des vers, sans nourriture, sans argent, donc l'aventure risque de ne pas être super facile. Et ce sera à suivre sur France 5. D'accord, ouais, en même temps c'est une chaîne culturelle hein. c'est... Ah bah écoute, c'est quand même rigolo hein. Tout nu, ils vont parcourir la France tout nu. Oui, oui, pourquoi pas, c'est une idée nu comme une autre. Et culotté. Tout à fait, c'est vrai. Bon, l'info revient tout à l'heure à 7h du mat. Dans un instant, les scooters, on va vous les filer. Puis je vous rappelle la petite énigme qui colle. Qu'est-ce qui est carré et bleu? Je peux vous donner un indice, c'est carré. Ah, j'ai un autre indice qui me vient là, mais je vais peut-être pas le dire. Oui, bah le donne pas tout de suite. Proposer la Tour Eiffel ou l'Atomium, non, c'est pas ça, bien évidemment. Il y en a qui ont trouvé la bonne réponse, hein. C'est les appareils photo numériques qu'on vous file ce matin. 63,22, c'est 1€ par message. Je vous répète la petite devinette qui colle. Qu'est-ce qui est carré et bleu? Petite info, c'est carré aussi. Voilà. Oh, mais qu'est-ce qu'on gagne? Bah, les appareils photo numériques. Ah, oui, quand même. Bah voilà. Bon, allez, sac Noël, on écoute ça tout de suite sur Fun Radio. 6h37, c'est Loca People. All day. 6h40 sur Fun Radio et restez bien là dans quelques instants. C'est Mika qui va débarquer avec Elle me dit pour un petit réveil sympathique à 6h41 sur Fun Radio. Mais avant ça, nous allons parler de Jean-Paul Belmondo. Oui, mais surtout oui. De sa compagne. Enfin, plus de sa copine, ouais. Qui est une Belge, pour ceux qui ne le savent pas. Tout Barbara Gandolfi. Et si mes souvenirs sont bons, qui était plutôt bien roulée. Eh ben écoute, elle a quand même fait je la couverture de. Enfin, c'est un ex-modèle de Playboy, hein, donc ouais, je voilà. Pense que voilà, on peut dire donc, qu'elle est. Donc, qui est une ex bien roulée. Toujours aussi bien roulée, parce qu'elle a fait. Bah, elle a juste vieilli, quoi, les gens. Elle a posé pour une campagne de lingerie, je pense, il n'y a d'accord. Pas très longtemps. Ouais, donc elle a un peu vieilli. Bon, bon, en tout cas, bien roulée, mais inculpée. Oui, ce qui est beaucoup moins bien, tout de suite. Et pour détention d'armes prohibées. Donc c'était dans le cadre d'un dossier pour une affaire de stupéfiants pour laquelle ça, les poursuites ont été arrêtées contre elle parce qu'elle a que des emmerdes, hein. Elle n'arrête pas de se faire poursuivre. Surtout ouais, avec son. Elle avait des boîtes de nuit aussi. Ah ouais, donc elle a des trucs un peu glauques avec son ex-mari en fait. Ah oui, c'est ça. Et donc là maintenant, c'est pour armes donc prohibées. Elle a été surprise en possession d'un coup de poing américain et d'un taser. Ah ouais, en plus elle a l'air plutôt bien la fille quand même. Hein. Ah t'as été checkée là, t'es en train de. Non, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Et donc voilà, donc elle. bon, elle déclare que ses armes ont été confiées par une amie à elle et qui s'était fait agresser. Enfin bon, bref. Bien évidemment. Normal. Donc, quand même, elle est inculpée, donc les ennuis ne sont pas finis. Elle est avec Belmondo quand même depuis juin 2008, mais depuis, elle n'a que des emmerdes. Et puis surtout, tous les potes de Belmondo sont assez contre cette relation. Bah oui. Parce qu'ils ne pensent bizarrement que ce n'est que pour l'argent. Tiens, étrange. Je ne sais pas pourquoi. Alors que moi, je pense pas à ça du tout, moi. Mais elle a l'air super chouette, hein, cette Barbara. Elle est toute. Bon, pour un bon prix, peut-être. Oh, le rêve. Ok, d'accord, merci pour tout ça. Mais quoi, tous les amis de Belmondo pensent pareil. Hein. Bizarrement, ce n'est pas Teuf qui a fait cette remarque. Non, écoute, c'est assez bizarre, effectivement. Non, parce que moi, je ne conçois pas sexe et argent. Bien sûr. Pour moi, le sexe, c'est gratuit. Bien sûr. Ah, bah, évidemment. Bon, sinon, bonne nouvelle. Hein. Bon, j'étais au Portugal ce week-end, ça, c'était pas la bonne nouvelle parce que je suis dans un état de fatigue avancé. Par contre, j'ai ramené la spécialité locale, les fartourages, les espèces de beignets bien gras. Vas-y, balance. Donc, bah, attends, on va attendre qu'il fasse clair, on voit rien là. Comment ça, attends, mais j'ai pas besoin de les voir, j'ai besoin de les goûter. Mais non, mais il faut les voir. Il faut les voir de quoi? Évidemment, ils seront moins bons qu'hier. Mais ça se lève là, tu vois bien qu'il fait moitié clair. Ouais. Bon, allez, je rappelle la petite devinette qui colle là pour repartir avec des appareils photo numériques. Qu'est-ce qui est carré et bleu? On propose un apéricube, c'est pas ça. On proposait aussi le bleu pour mettre sur la queue de billard. Ah, c'est une idée, mais c'est pas ça. Donc, si vous avez la bonne réponse, il y a effectivement bleu dedans et je peux vous donner un autre indice, c'est carré. Oui, enfin. Voilà. Disons que c'est très simple. À partir de là, je ne peux pas plus vous aider. En tout cas, restez bien là dans un instant. Nous aurons évidemment la ligne anti-relou ainsi que l'infotrafic. Ça va débarquer d'ici quelques instants sur Fun Radio ainsi que Mika avec Elle me dit. Bonjour, bon réveil et bienvenue tout le monde. Cherchez pas sur les autres radios, ils sont encore devant la machine à café. Alors, restez ici. Mickaël, réveille la Belgique sur Fun Radio. Il est 6h46 sur Fun Radio, bienvenue tout le monde. C'est lundi aujourd'hui le 5 septembre et nous allons faire un tour du côté des problèmes sur les routes, le trafic. Bien écoute, tout va bien pour l'instant. Eh bah tant mieux, une bonne nouvelle, tiens, pour une fois que ça arrive ça, il fallait pouvoir le signaler. Bah, c'est-à-dire que les gens prennent la route, mais à 6h47, il n'y a pas encore trop de monde. Non, c'est vrai. Donc, faites quand même gaffe parce que les bouchons, par contre, eux, vont pas tarder à arriver. Et si vous êtes témoin d'un problème sur la route, là aussi, on compte sur vous pour venir nous en parler. Vous faites dès maintenant le 30-44, c'est 50 centimes par message. 30-44, donc allez-y, je vous attends. Et puis un message de Steph qui dit: vous auriez pu m'inviter à la dégustation portugaise. Oui, bah, ça a été un peu improvisé. Steph qui est venu la semaine dernière nous apporter le fameux petit déj. C'est-à-dire qu'on en a encore des encore. Ah, bah, tu m'étonnes. Ah, bah, ouais, ça c'est clair. Bon, allez, c'est parti maintenant. La ligne anti-relou, tout le monde attend avec impatience et c'est normal. Mickaël à la radio. Pour un monde sans relou. Exactement, c'est chaque matin, ça se passe comme ça à 7h moins quart, 8h moins quart et 9h moins quart, la ligne anti-relou. Et ce matin, j'ai décidé de faire un petit, je vais pas dire best-of parce que c'est pas comme ça qu'il faut l'appeler, mais une matinée entre guillemets spéciale débile. Bah, c'est un peu tous les matins comme ça, donc qu'est-ce qu'elle a de plus spécial que les autres? Là, c'est la crème crème. C'est la crème des débiles. Ah, ouais. C'est le top du débile. Voilà, c'est la crème, exactement, la crème de la crème, le top du top. Écoutez des messages qu'on a déjà reçus, évidemment, et dès demain, on vous mettra les messages du week-end, rassurez-vous. Hein. Et donc là, on va écouter maintenant le premier qui était quand même relativement... pas mal. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Écoutez bien. Apparemment, je ne sais pas pour les conjoints. Mais tu me téléphones quand tu es en ligne. Comme ça, je sais quoi je sais pas. On verra. À la prochaine. J'espère qu'on se connaît. On va se voir. Et salut. Voilà, donc déjà, le prof de la première débilité, c'est appeler une meuf que tu as envie de serrer avec un téléphone aussi pourri. Oui, et puis deuxième conseil, surtout apprends à parler français. Voilà, on a eu le même conseil en même temps, dis donc, t'as vu un petit peu. Donc voilà, on est connected. Là, c'est surtout que c'est un peu le truc qui nous vient en premier dans la tête. Oui, c'est vrai. Voilà, il faudrait qu'on se voie. Avec Julie, on va se voie tous les jours. D'ailleurs, on se voie. D'ailleurs, on commence à bien se voie. On se voie pas beaucoup quand même. Si ça commence là, le soleil s'est levé là. Hein. Oui, c'est ça, il se lève tout doucement. À son aise, c'est lundi pour tout le monde, même lui il a du mal ce matin. Comme nous, comme tout le monde d'ailleurs. Allez, deuxième message sur la ligne anti-relou ce matin. Hey, c'est qui là au téléphone? Je voudrais savoir c'est qui. J'aimerais bien entendre ta voix quand même. Au téléphone ou tu laisses ton numéro allumé? Laisse ton numéro allumé. Surtout bien ton numéro allumé. On ne sait jamais que je te rappelle. Voilà, parce que parfois, évidemment, on laisse ton numéro éteint et tout de suite, c'est beaucoup moins pratique pour arriver à joindre les gens. Ça, c'est clair. C'est génial. Hein. Ben oui, voilà, c'est ça. Et puis le troisième message laissé sur la ligne anti-relou, écoutez bien. Ouais, salut. bah, tu ne me rappelles pas. J'étais prêt à me ruiner pour toi. Voilà, il y a même. C'est quand même malheureux. Hein. Bah, pas de commentaire. Non, voilà, c'est pas de commentaire, c'est aussi simple que ça. La ligne anti-relou reviendra tout à l'heure. Je vous rappelle le numéro de la ligne anti-relou. Numéro à connaître par cœur, évidemment. 0473 86 0013. Petit message qui est arrivé. Je commence l'école aujourd'hui, mais je veux pas y aller. C'est Bethany. Oh bah écoute, dis-toi que t'en as pour l'année complète. Donc autant te motiver d'une manière ou d'une autre. Hein. Oh là là, ouais. Super la motivation. Dis-toi que t'en as quand même pour l'année complète. Donc, ouais. Et puis bon, l'avantage c'est de se dire que c'est bientôt les vacances. Oui, c'est vrai aussi. Attends, pour eux, c'est déjà la Toussaint qui arrive là bientôt. Hein. Attends, mais avant ça, il y a la fête de la communauté française. Il y a un jour, mais ils ont déjà une semaine qui débarque dans pas si longtemps que ça. C'est dans un mois. Ah là là, on prendra un mois et demi. Non, par contre, on prendra le 1er novembre, hein, je pense. Hein, mais enfin, on va voir. Bon, les scooters Kymco vont être à gagner d'ici quelques instants. 125 cm cube. Si vous voulez choper ça, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant au 6322. Débutez par scooter. Et puis les factures, bien sûr, nous allons les rembourser. Facture de 1000 euros pour une liposuction, c'est Sharon. 171,29 € pour l'assurance habitation. Elle devait être bien grosse. Ouais. 117,50 € pour l'abonnement bus. Le prêt mensuel de la voiture, 129 €. Elle, par contre, elle était beaucoup moins grosse, bien sûr, la voiture. Hein. Oui. 250 € pour Cathy, mais je ne sais pas ce que c'est exactement. 850 € pour le mazout. Paiement d'une assurance hospitalisation, mais il n'y a pas marqué le montant. 100 € pour la location du box pour le cheval. Voilà. Bon, ben, si vous voulez, vous aussi, qu'on vous paye votre facture, ce sera dans un peu plus d'un quart d'heure. Vous vous inscrivez dès maintenant. 63 22, c'est 1 € par message. Vous vous inscrivez maintenant et peut-être que je vous appellerai en direct pour vous rembourser votre facture d'ici quelques instants. Dans un instant, nous appellerons également. Je sais pas si avec Toff ce matin ou t'as prévu un petit ami aujourd'hui, enfin un copain. Non, j'ai un ami qui vient, je crois. Ah d'accord, je pense. Bon, tu réfléchis parce que t'as le temps de Mika. Je sais pas s'il va arriver en fait. Ah, c'est okay, d'accord. Ouais. Bon, écoute, on verra bien. Mika maintenant avec Elle me dit sur Fun Radio, c'est l'heure de vous donner l'heure. Oh, 6h51. Oh là là, ça va être. Mais oui, tout à fait. Elle me dit sur Fun Radio, bonjour, bon réveil. Voilà le son de Mika à l'instant sur Fun Radio. C'était Elle me dit. Soyez les bienvenus si vous débarquez. On est là ensemble chaque matin entre 6h et 9h30. Alors ce matin, on a décidé d'ennuyer qui, Toff, alors du coup. Bonjour. Ah, Maître Ping, qu'est-ce qui vous amène de si bon matin, Maître? Vous n'avez pas dit, vous faites un plein toit, un petit catoté. Oui, donc Maître Ping qui venait nous livrer des plats chinois quand on faisait la libre antenne. Hein, et qu'est-ce que vous êtes venu faire de si bon matin, Maître Ping? Déjà, je vous présente Julie. Hein. Oui, bonjour, monsieur Ping. Bonjour. Tarmante. Oui, bon, bref. Donc, vous êtes venu pourquoi, Maître Ping? J'ai entendu vous appeler des dents le matin. Oui, mais en quoi ça vous concerne? C'est parce que mon fourniteur à Paris, il a eu une détente de l'hygiène. Ah oui, et... bah, ça m'étonne pas. Hein. Oui, du coup, t'es fermé. Ah, bah oui, bah, tant mieux, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Oui, hein. Il vaut mieux. Ouais. Ah, ouais. Mais non, t'es pas bonne nouvelle, t'es très mauvais pour commerce. Oui, alors... oui, pour ça, oui. Oui, voilà, t'es pour ça. Alors, je voudrais appeler éleveur de tiens. De tiens. Ah, de chien, je pense. Ah, je croyais de tien. Je me disais, éleveur de tien, c'est quoi ça, un tien? Ah non, pas à manger du chien. Hein. D'éleveur de tien pour faire des naines. Ah, mais quelle horreur. Ah, si vous voulez, j'en connais un très bien. Ah non, c'est hein. Horrible. Il est très sympa. Très gentil chien. Ça vous intéresse ou pas, Maître Ping? Ça dépend pour voir s'il est bien nourri. C'est ça qui est important. Il s'appelle Gucci. Mais t'es malade, tu ne touches pas à mon chien. Voilà. T'en fous, une fois qu'il est dans le même, on se souvient pas de ton nom. Oui, c'est vrai. Non, c'est horrible. Bon, bref, cela dit, c'est dégueulasse. Je suis assez d'accord quand même. Parce que là, je faisais des vannes et tout, mais je suis d'accord avec Julie. T'es pas vrai, t'es pas dégueulasse. Ah, pour une fois qu'il est d'accord avec moi. T'es non, pas c'est vrai, t'es très très bon. Ouais. Voilà. Bon, tenez, j'ai préparé liste avec numéro. Attendez, qu'est-ce que vous avez préparé comme liste? Moi, je propose qu'on m'appelle pas ce matin. Bon, le premier, c'est à Ucini. Mais vous savez où c'est au moins? Non, n'était pas, mais dit GPS. Je vous rappelle, c'est nous qu'on l'a inventé, le GPS. Oui, c'est vrai, suis-je bête. Bon, allez, c'est parti, on y va à Ucini. Maître Ping. Bah, on va téléphoner, on verra. Non, mais il va se faire en remballer. Personne vend du chien, voyons. J'espère bien. Mais oui, bien sûr. Bon, allez, c'est parti, on y va, Maître. Moi, tu vous t'attends, tu es prêt? Bon, bah tant mieux, alors c'est parti, allez, on y va. Puis il y aura les infos juste derrière aussi avec Julie. Enfin. Si je suis partie en pleurant. Ça ne répond pas, là, là, là. Une seconde. C'est le matin. Et ça dit fait. Oui, allô? Bonjour, Maître Ping à l'appareil. Oui. Oui, bonjour, voilà, je vous appelle, c'est bien vous que vous occupez des tiens? Des tiens? Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que j'ai un restaurant chinois. Et en fait, voilà, je voulais savoir si c'était possible, je récupère les petits bâtards que vous vendez pas. On n'a pas de petits bâtards. Non, mais vous avez tiens que vous vendez pas? Non, on n'en a pas. Ah bon, vous n'avez pas petits chiens? Non, pas du tout, non. Ah, vous vous occupez des chiens, mais vous n'avez pas petit chien? Non. Je ne comprends pas, vous faites pas, vous n'êtes pas éleveur de chiens? Si, mais on est, comment je veux dire, dans les chiens de race. Très bien, très bien, t'es meilleur, la viande est meilleure. Vous les élevez bien, ils sont bien nourris, bien gras? Oui, oui. Ah bon, d'accord. Parce qu'en fait, moi, t'es pour faire la cuisine, t'es pour vendre au restaurant. Mm-hmm. D'accord, qu'en fait je les mets dans les nems, t'es principalement, t'es là que t'es le meilleur quand t'es un peu grillé. Et en fait je voulais savoir si t'es possible que je récupère des tiens quoi. Ouais, pourquoi pas. Ah oui, t'es possible. Vous faites combien le tien? C'est 900 euros. À 900 euros quand même, mais t'es, c'est-à-dire t'es quel volume pour 900 euros? T'es quel volume pour 900 euros? À peu près 9 kilos. Ah, 9 kilos quand même, oui, 9 ouais. Kilos, t'as fait 100 euros du kilo, non, t'es bien, t'es bien, t'es bien, t'es honnête, t'es honnête. Très bien, je suis intéressé, comment on peut faire affaire? Ça va passer jusqu'ici pour faire les papiers. Quoi. D'accord, très bien, très bien. Bah, écoutez, je vais passer, je passe, donc 900 euros, dès le tien, et vous me dites, ils sont bien nourris, bien gratouillés, ouais, que je peux ouais. Bien les cuisiner. Ouais. Sans problème. Bon, très bien, merci monsieur, je vous remercie. Mais qu'est-ce que c'est que ce dingue? Le mec, il est d'accord de vendre un chien alors qu'il sait pertinemment qu'il va être bouffé. T'es bon. T'es bon commerçant, il a bien compris. Ou alors il a dit ça pour qu'on le laisse tranquille. Ça, c'est possible aussi. Ou alors ce type a aucun scrupule pour se faire de l'argent. Quoi. Mais bien sûr, aucun scrupule, Teta commerce. Et il est possible que j'aille faire un petit tour chez lui pour aller lui dire deux mots. Oui, c'est ça, ouais, pour vendre Gucci. Ouais, c'est ça. Ah, je voulais me faire un petit week-end à Rome. Un week-end à Rome en amoureux. Alors le week-end ou le chien? Ça me ferait bien un week-end à Rome. Mon chien, t'es malade. Non, moi ça me dégoûte. Bon, Maître Ping, vous revenez tout à l'heure. Hein. Ah bah bien sûr. Bon, bah, très bien. Allez, j'adore à tout à faire l'heure. Affaire avec vous. Ouais, bah j'imagine bien. Dans un instant, les infos, on donnera la réponse aussi à la petite devinette qui colle avec des appareils photo numériques à gagner ce matin. Appareils photo numériques, donc à la petite question, petite devinette qui colle. Qu'est-ce qui est carré et bleu? Et un petit indice, c'est carré et... C'est bleu. Et disons qu'il faut bien que Toff la comprenne, donc c'est très très simple. Voilà, c'est ça. Donc ne cherchez pas très bien, ne cherchez pas très loin. Hein. Cherchez pas midi à 14h, c'est grand comme une maison, voilà. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Allez, 7h01 sur Fun Radio, bienvenue tout le monde, les infos maintenant avec Julie. Salut à tous, grève à la STIB ce matin, 11 lignes de bus à l'arrêt. Cette grève touche le dépôt à Anderlecht, le dépôt Brel est parti donc en grève suite à des agressions ayant eu lieu hier soir contre deux bus de la ligne 84 à Bollenbeek. Jets de pierre et coups de feu, c'en était trop pour le personnel qui a débrayé donc ce matin. Une réunion à 9h décidera de la suite des événements. Réunion importante cette semaine au chapitre politique, réunion qui devait se tenir aujourd'hui autour du formateur avec les 8 présidents de parti, mais elle a été reportée à demain. Motif, une difficulté d'agenda de Jean-Michel Javot. Lors de cette réunion, Élodie Rupaut présentera aux 8 présidents de parti prêts à négocier les modifications à sa note. En attendant, le formateur a poursuivi durant tout le week-end des contacts bilatéraux à un rythme soutenu. De son côté, la NVA, qui s'était retirée des négociations en juillet dernier, espère l'échec du formateur. Son président Bart De Wever a déclaré ce week-end qu'au moins ça marche pour la formation d'un gouvernement. Eh bien, au mieux, ça fonctionne pour la NVA. À Charleroi, une terrasse s'est effondrée et un jeune homme a chuté de 4 étages. Dimanche, deux hommes de 25 ans se trouvaient sur la terrasse d'un appartement boulevard Thirou avec des amis lorsque la rambarde de la terrasse s'est effondrée. Le premier est parvenu à se rattraper de justesse au balcon du troisième étage, mais le second jeune homme a chuté. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais il est gravement blessé et est toujours ce matin dans un état critique. Son ami n'est lui que légèrement blessé mais sous le choc. D'après les premiers éléments de l'enquête, la vétusté du bâtiment est remise en cause. Un enfant a perdu la vie sur une aire de repos. Un petit garçon de 8 ans et originaire de la province du Luxembourg est décédé après avoir été renversé par un véhicule samedi soir sur l'aire de repos de Telin sur l'autoroute E411. L'enfant aurait été percuté par une voiture qui quittait sa place de parking. Malgré l'intervention des secours, la jeune victime est décédée sur place. Et puis en sport, Xavier Malisse, associé au Bahamien Mark Knowles, a été éliminé en 8e de finale du double messieurs de l'US Open à New York. Et puis grosse frayeur pendant la conférence de presse de Rafael Nadal. Il devait commenter sa victoire à l'US Open toujours, mais il a été pris de crampes violentes. La salle de presse a dû être évacuée, mais plus de peur que de mal, le joueur est revenu terminer sa conférence 15 minutes plus tard. 7h04, la météo maintenant. Aujourd'hui, on a droit à quelques éclaircies. Oh, bonheur. Mais quelques averses aussi isolées. On va pas non plus trop s'emballer. On est quand même à la fin de l'été. Ça peut pas rester comme ça tout le temps non plus. Attends, hein. C'est normal. Hein. 15 à 20 degrés pour les températures. Ça va rester quand même doux. Demain, matinée pluvieuse. Tu vois, tu t'es fait avoir. Écoute, hein, tu t'es habitué. 15 à 20 degrés, c'est déjà pas mal. Non, c'est trop peu pour l'été. Ah non, mais on fait ce qu'on peut. Hein. Voilà, mais là, on est tous habitués. On dit, oh, et quand on arrive à 20, on est content. Hein. Mais dès que je parle de la météo, j'essaie de trouver un truc positif. Ah ouais, mais c'est dur là. Ouais, bah écoute, demain, matinée pluvieuse et éclaircie l'après-midi. Bon, le truc positif, c'est que j'ai des beignets après à manger. Mais il serait peut-être temps que On va les manger là, on va les manger. Bon, la fois en plus, elle arrive dans 10 secondes, restez là. Fun Radio. Fun Radio. Sur Fun Radio, soyez les bienvenus si vous débarquez. C'est lundi aujourd'hui, le 5 septembre. Et donc, bon courage à ceux qui retournent à l'école. Bon courage aussi à ceux qui vont recommencer à travailler. Bon courage à tous ceux qui sont en train de se lever actuellement d'ailleurs. On va faire l'info en plus maintenant. Alors, un Niçois, donc c'est en France, a été condamné à payer 10 000 euros à son ex-femme. Mais pourquoi ? Ah, c'est la question qui colle. Ah oui, c'est un petit peu la question qui colle. Attends, c'est un truc que Tof, tu vas adorer. Moi, je sais. Parce qu'ils ont pas. Oui, forcément, il est plus pas passé à côté de l'info. C'est pas possible. C'est une question, c'est sexuel. Bah oui, forcément, il a été. Oui, voilà. Bah si, c'est ça. Enfin, c'est. Non, justement, ce n'est pas sexuel. Il n'y a pas eu de sexuel, justement. C'est qu'il a été condamné à payer 10 000 euros à son ex-épouse pour ne pas lui avoir fait l'amour durant plusieurs années. Qu'est-ce que c'est que ça ? Parce qu'en fait, la loi française est faite comme ça. C'est qu'elle prévoit que les conjoints doivent respecter une communauté de vie et de rapports sexuels inclus. Donc le divorce a été prononcé après 21 ans de mariage et la femme elle a réclamé des dommages d'intérêt pour normal. Pour nous. Tof, c'est là-bas que tu dois aller. Mais moi je vais demain on appelle et moi je veux de l'argent. Attends, mais c'est ça, on va essayer de rogner un petit peu d'argent là-bas, ça peut être une bonne idée ça. Bon ben voilà, l'info revient tout à l'heure vers 7h30 sur Fun Radio, on va vous offrir peut-être votre scooter dans un petit instant. Si vous voulez vous inscrire, c'est maintenant que ça se passe, ça peut être bien pour aller à l'école, tu vois, aller au travail, petit scooter pour éviter les bouchons, en plus c'est un 125 cm3, ça vaut quand même près de 2000 euros, donc plutôt un bon délire. 63, 22, c'est 1 euro par message. Vous vous inscrivez dès maintenant si vous le souhaitez, débutez par scooter avec vos coordonnées complètes et on vous appelle peut-être dans quelques minutes pour vous filer le scooter si vous découvrez la plaque d'immatriculation du scooter. Et si vous passez à antenne, quoi qu'il arrive, vous repartez avec un chèque de 25 euros pour aller faire le plein chez OctaPlus. Donc ça c'est plutôt un bon plan. Ah bah toujours, ouais. Ça c'est un très bon plan. Vu le prix de l'essence. Ah oui, je confirme. C'est un très très bon plan. Voilà. C'est presque un plus beau 22. Cadeau que le scooter, quoi. Non, quand même pas. Mais non, disons non, que les non. deux ensemble, ça peut être bien. 63-22, débutez votre message par scooter. Pareil aussi pour les factures, si vous voulez qu'on vous rembourse. Ce sera dans quelques instants sur Fun Radio. Je vais vous payer vos factures. Après le son de DJ Abdel et Soprano maintenant, c'est My Life. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. DJ Abdel sur Fun Radio avec Soprano à l'instant, c'était C'est My Life à 7h11, soyez les bienvenus si vous débarquez. On est ensemble bien sûr jusqu'à 9h30 avec les scooters qu'on va vous filer toute cette semaine. Si vous voulez avoir une chance de les choper, 63-22, débutez le message par scooter. Et avant ça, nous allons payer les factures et encore avant ça, nous allons prendre quelqu'un maintenant pour la petite devinette qui colle. Et si mes souvenirs sont bons, c'est Letty qui est avec nous. Allô Letty. Exactement, non, une cochonne qui se promène en blouse blanche, elle est infirmière. Letty, Letty qui est infirmière. Comment ça va Letty? Ça va bien, ça va bien. Et vous? Mais ça va bien, t'appelles de Liège? Non, Charleroi. Non, de Charleroi. Ah, de Charleroi. C'est Tof qui m'a induit en erreur volontairement. Non, c'est Yannick qui appelle de Liège. Ah, c'est ça, j'ai confondu. Bon. Oui, tu m'avais pas dit la ville de Letty, je pense. Bon, Charleroi, c'est pour ça, ouais. 103.5. C'est là qu'on écoute Fun sur Charleroi, 103.5. Donc, alors, Letty, tu as quel âge? J'ai 28 ans. 28 ans, très bien. Et tu as un téléphone déjà bizarre. Mais oui, bien évidemment. Et tu as la réponse à la devinette qui colle pour un appareil photo numérique. Attention, devinette qui colle. Donc je t'écoute. Qu'est-ce qui est carré et bleu? Moi j'ai mis un carré bleu, mais bon, c'est pas ça. Mais si! Voilà, à quel point ça vole très, très très très haut chez nous. Voilà, je vous avais dit, oh, c'est lundi matin, je fatiguais moi. Ah bah oui, non, on va pas se prendre la tête. Donc du coup, j'ai pris devinette facile. Vous voyez ce que je veux dire, hein, on s'est pas pris la tête non plus. Bon, bah bravo à toi, donc c'est gagné l'appareil photo numérique. Il est pour toi, Letty. Et maintenant, nous allons faire une autre devinette. Qu'est-ce qui est rond et jaune? Non, n'abusons pas, on va trouver une autre pour tout à l'heure. Bon, gros bisous Letty, à bientôt. Ouais, voilà. Elle est partie. Non, elle a plus envie de parler avec c'est plutôt un portable qu'il fallait lui offrir. Oui, je confirme, effectivement. Gros bisous, Letty, et à bientôt. Allez, c'est parti. On fait maintenant péter les factures. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Mais oui, c'est comme ça que ça se passe chaque matin sur Fun Radio. À 7h10, 8h10 et 9h10, Fun Radio paye vos factures. Et moi en particulier, même si c'est Fun qui paye. Excusez-moi. On va enlever les titres, très bien. C'est lundi pour tout le monde. Ben oui, même pour le standard, pour tout le monde c'est lundi. C'est vrai, on est à la cool. Mais oui. Voilà, exactement, oui. Allez, on appelle quelqu'un maintenant qui s'est inscrit ou inscrite au 63-22, 1€ par message, en débutant le message par facture, en mettant le montant. C'est lundi pour le standard aussi. Ah ben, oui, en mettant le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. D'ailleurs, je vais vérifier maintenant les derniers messages qui viennent d'arriver à l'instant. 352€ pour un revenu cadastral, 123€ pour Belgacom, 171€ pour une facture, mais je ne sais pas ce que c'est. 75€ pour le virement, pour le cadeau, c'est le mariage, c'est un cadeau de mariage, voilà. 972€ pour la traversée Marseille-Tunis, j'imagine, hein, ou Tunisie, peut-être un i qui manque. 352€ pour un revenu cadastral encore, 360€ pour un séjour à Disney. C'est cher, Disney. Oh ah, mais Disney, c'est vraiment, vraiment pas donné. Waouh! Ah ouais, c'est bien cher. Non, c'est très cher si tu y vas qu'une fois. Après, si tu retournes, ça va, c'est moins cher. Ah ouais, parce que t'as la carte d'abonné ou de fidélité ou je sais pas quoi, là. 179€ pour Vanessa, etc., etc. Bon, allez, on appelle pour rembourser quoi, Tof? 35€. 35€ pour rembourser quoi, on ne sait pas? Je ne sais pas, 35€. D'accord, okay. On va chez qui? Je ne sais pas, 35€. Tu ne sais pas non plus, pas de carte. Bonjour, bon, on va chez personne. Vous êtes en contact avec la boîte à messages de 04. Oui, 04, très bien, ça on sait, donc on ne va pas laisser le numéro de téléphone non plus. Ce qui veut dire que vous avez la chance, puisqu'avec la nouvelle règle, maintenant vous pouvez vous inscrire, et ceux qui s'inscrivent maintenant, là tout de suite, auront, bah, ils ont combien? Voilà, ils ont 45 minutes pour s'inscrire, je ne sélectionnerai que cela. Oui, bonjour, monsieur, madame, je ne sais pas bien, mais en tout cas, tu avais une facture de 35€ à nous faire rembourser. Eh bien, on t'appelait pour la rembourser, justement. Malheureusement, tu n'as pas décroché, ce sont des choses qui arrivent, et comme on le dit depuis le début de l'émission, c'est lundi pour tout le monde. Non, c'est pas de chance, c'est lundi pour tout le monde. Résultat, tu passes à côté des 35€ de la facture qu'on te rembourse. Tant pis pour toi, j'ai envie de te dire. Passe une bonne journée quand même, et puis une bonne semaine. Elle va bien commencer pour lui la semaine. 35€ perdu. Enfin, en tout cas, de pas gagner. Bon, ben, les autres, inscrivez-vous dès maintenant. Je ne sélectionne que ceux qui s'inscrivent à partir de là, maintenant, tout de suite, jusqu'à 8h10. Et à 8h10, on remet le couvert. 63-22, débutez votre message par facture, avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture, c'est 1€ par message envoyé ou reçu. Donc bonne chance, et puis on va poser la petite question qui colle également maintenant, comme ça on fait tout d'un coup. À combien de mètres a été établi le nouveau record du monde de lancer de potiron? Grande question aujourd'hui. J'ai vu cette info passer. Ouais. Ah oui. À combien de mètres a été établi le nouveau record du monde de lancer de potiron? Là aussi, c'est 63-22. Il y a des cadeaux à la clé. Et on écoute le son de Snoop Dogg maintenant avec T-Pain. C'est Boom sur Fun Radio. Passez une bonne matinée tout le monde. Le son de Snoop Dogg à l'instant sur Fun Radio avec T-Pain, c'était Boom, 7h19, bon réveil tout le monde, Mickaël réveille la Belgique, ce sera dans quelques instants. Si vous voulez vous inscrire et repartir par la Mocase avec des cadeaux, dès maintenant inscrivez-vous au 3044, vous débutez votre message tout simplement par réveil et on jouera d'ici quelques instants. Fun Radio, l'horoscope. Mais maintenant évidemment c'est l'horoscope hein, avec notre ami Doudou. Ah, mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous voulez faire une séance de spiritisme ce matin? Non, c'est pas ça, Doudou, c'est qu'il n'y a plus d'électricité. Et vous voulez invoquer les esprits pour les faire revenir? Non, c'est juste pour s'éclairer. Ah bon, mais il fallait le dire que vous aviez plus d'argent pour payer vos factures. Hein. J'aurais peut-être pu faire un filtre pour le retour d'argent. Non, c'est une panne, Doudou. Enfin bref, bon, on va pas rester là-dessus. Hein. Bon, on va y aller, on va commencer par les béliers. Ah, comme vous voulez, hein, moi, si vous voulez pas la lumière. Non, c'est bon, là, le soleil est là. Allez. Alors, les béliers, vous êtes insatisfaits, vous avez tendance à mal traiter votre entourage. Ah bon, d'accord, ok, les taureaux. Enfin, la déesse de l'amour est à vos côtés. À partir d'aujourd'hui, vous ne devez plus faire cavalier seul. Les gémeaux. Ne vous laissez pas intimider par votre partenaire aujourd'hui. Les cancers, c'est le signe de Julie. Ouais. On va voir s'il sera meilleur que les autres jours. Ah, mais oui, c'est le meilleur. Votre perfectionniste n'est pas... Un, deux, trois. Oui, c'est votre difficile. Perfectionnisme n'est pas toujours bien vu. Ah, alors, super. N'exagérez pas. Oui, donc fais de la merde. Hein. Ah, oui, c'est ça, fais de la merde de nouveau. Quoi. Ah, fais le minimum syndical, te casse pas la tête. Bah, vous avez dit c'était tes partenaires, toi. C'est le meilleur de l'année. Les lions. Vénus caresse vos sens et vous fait vivre des heures inoubliables de passion. Alors pensez à prendre des capotes. C'est ça. Les vierges. Soyez magnanime et reconnaissez vos erreurs. Oh, vous arrivez à dire magnanime? Oui, magnanime, je sais, mais perfectionnisme, c'est plus difficile. Oui, c'est vrai. Les balances. Votre réussite pourrait vous rendre arrogant. Tempérez-vous et évitez de faire des excès. Les scorpions. Agissez prudemment dans vos affaires d'argent, sinon vous risquez d'en subir les conséquences. Bon, les sagittaires. La sécurité. sécurité de vos finances exige une attitude déterminée et planifiée. Les Capricornes. Vos difficultés futures ne sont pas encore urgentes et elles vont en partie se résoudre d'elles-mêmes. C'est une bonne nouvelle. Les Verseaux. Ben oui. Verseaux, des discussions sans fin ne vous feront pas aller de l'avant. Alors évitez les disputes aujourd'hui. Bon, et puis les Poissons pour terminer. Éclaircissez au plus vite un malentendu avec votre partenaire, car sinon c'est l'amour qui va en partir. Mais évidemment, bien et évidemment. Oui, ce serait pas beau, pas beau. Non, c'est sûr. Bon, ben merci beaucoup, Doudou. Hein. Ben oui, avec plaisir. Et on se retrouve tout à l'heure dans une heure. D'accord, vous Parfait. Avez de la lumière ? Oui, normalement le soleil sera bien levé là. Ah, bon, à tout à l'heure, Doudou, je vous en prie. 7h21 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. Dans un instant, Mickaël réveille la Belgique. On a besoin de vous pour jouer à ce jeu. Le but est simplement d'aller réveiller vos parents, bêtement. Hein. Vos parents, vos frères, sœurs, copains, copines ou votre voisin. Et de crier Mickaël réveille la Belgique tous les matins sur Fun Radio. Si vous le faites et qu'on entend la réaction de l'autre personne, eh bien vous repartez avec des cadeaux. 3044, débutez votre message par réveil. On remboursera vos factures aussi tout à l'heure, donc restez bien là. Et puis Bob Sinclair, on écoute. Avec Raffaella Carra, maintenant c'est Far l'amore sur Fun Radio. 7h22, bon réveil tout le monde. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la mère de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Le son de Bob Sinclair à l'instant, Fan l'amore sur Fun Radio, 7h25. Bon réveil tout le monde et puis bon courage à ceux qui sont sur la route là actuellement. Bon courage dans les bouchons également pour les bouchons qui ont déjà lieu. D'ailleurs, on en parlera d'ici un petit quart d'heure des bouchons si vous êtes témoin d'un problème sur la route. Et bien surtout, n'hésitez pas à venir nous en parler également. Ça se passe donc au 3044, comme ça nous après on peut transmettre à tous les auditeurs de Fun. Dans un instant, la petite devinette qui colle. On donnera la réponse aussi à la petite question qui colle aussi. Hein. Je vais vous la rappeler, on l'avait donné tout à l'heure là. Attention. À combien de mètres a été établi le nouveau record du monde de lancer de potiron? Voilà, 63-22 si vous avez la bonne réponse. Surtout, n'hésitez pas. Et nous avons Yannick qui est avec nous maintenant pour tenter de repartir avec le scooter Skimco 125 cm3. Salut Yannick. Salut. Comment vas-tu Yannick? Ça va bien, comme lundi matin. Ouais, mais c'est ça, on a à peu près tous le même problème. Hein. Ouais. Pas du tout, moi je suis en pleine forme. Ah non, on a un peu... Si Julie était d'accord, je lui ferais l'amour sur la table là. Oui, mais comme oui. Je ne suis pas d'accord. C'est ça, hein, c'est ça, un peu ça le problème. J'irai me masturber dans les toilettes. Ouais, oh là là. Écoute, quelle bonne nouvelle, tiens. Ça, c'est la meilleure nouvelle de la journée, non? Ah oui, dis donc. Oui, je pense aussi, ouais. Bon, alors je recommence. Donc attention, mesdames et messieurs, vas-y, ladies and gentlemen. Tu vas jouer donc pour le scooter et attention, car. Tu vas peut-être pouvoir repartir avec le scooter, mais surtout, dans un premier temps, quoi qu'il arrive, déjà tu peux être sûr de gagner les 25 euros chez Octaplus. Ouais, c'est déjà pas mal. Ah, c'est déjà pas mal. Mais est-ce que tu as une voiture? Mais oui, c'est ça la question. Oui. Ah. T'as une voiture. Bon, déjà, ça va te servir. Non, tu le revends, hein, tu revends ton cadeau. Oui, ça aussi, oui. 30 bon. Euros, t'es. Alors, attention, est-ce que tu peux me donner, ou du moins tenter de me donner, la plaque d'immatriculation du scooter Kimco 125 cm3? Ouais. Alors, vas-y. CBZ 314. Oui. Eh bien bravo, tu n'as pas mis la moindre lettre dans le mille. Le pauvre. Mais pas la moindre. Donc CBZ. Il faut toutes les bonnes lettres donc. Ah non, pardon. Il y a bien un bon chiffre mais mal placé. Voilà, donc tu as fait avancer un petit peu, tu as donné un petit coup de main aux autres et ça c'est beau. Bon, et ben voilà, donc tu as une bonne lettre, un bon chiffre, pardon, mais mal placé. Donc écoute, merci Yannick d'être passé, hein, merci pour le suivant. Hein. Merci à vous. Allez, à bientôt Yannick. Oui, bonne salut à toi, ciao, bye bye, à bientôt. Ciao. Yo, trop fort. C'est qui celui-là? C'est qui, merde. Je m'inquiète là. C'est rien, c'est Jordan le collant. Jordan le collant. On m'a pas prévenu. Putain, Ziva, vérité, sa mère. Quoi, je crois pas, vous allez recevoir Jean-Marc Morandini, quoi. Mais comment ça va me faire plaisir de le voir? Ah quoi, non. Donc il s'est ramené pour ça, le mec. Ouais, attends. Jordan, c'est pas le moment là. Jordan, c'est un fiel de Toff, en fait, qu'il a un jour sorti de son centre dans lequel il est enfermé, ouais, en fait. C'est bon, ça regarde personne. Non, mais enfin, bon, voilà, il fallait le dire quand même. Non. Je suis allé voir sur Wikipédia, oh mec. Et nique sa mère, putain, il a fait de ses trucs et il a pas chômé. J'ai arrêté à la moitié. Putain, tout ça sans vote de la coke. Et Jean-Luc, mon frère, si t'écoutes, prends exemple, hein, ma couille. Non, mais vérité, Mike, en fait, tu me permets de passer tout à l'heure parce que j'ai un truc à lui demander, en fait. Parce que j'aurais bien voulu savoir comment elle est, en fait. Qui ça? Cécile, en vrai. Tu vois, il y aurait peut-être moyen. Minibus. Ouais, il y aurait peut-être moyen qu'il me lâche son 00336, quoi, tu vois, je sais pas. Ouais, son numéro de téléphone. Ouais, 00336, ouais. Parce que c'est bien, si je veux commencer à la tchatcher, je dois faire le préfet, etc. Bah, je suis dans la merde, quoi. Tu vois ouais, ce que ouais, je veux ouais, dire. Ouais, bien sûr, je comprends, évidemment. Non, mais de toute façon, cela dit, c'est pas trop ton. Enfin bon, tu vois, elle aime pas les mecs en jogging, tu vois ce que je veux dire. Comment ça, elle aime pas les jogging Joe c'est quoi ce robot trop... Surtout avec qui elle sort en ce moment, non. Ouais, ouais. Ouais, mais de toute façon, le jogging, je vais pas le garder longtemps. À la rigueur, je garderai peut-être la casquette. Top, tu peux me dégager ton fiole là. Il est gentil, mais il va falloir qu'il parte maintenant. Jordan, viens par là. Allez. Eh, mais moi je vais bosser avec lui là. Au revoir. C'est vraiment dommage que je sois casé parce que ce mec était parfait pour toi, Julie. Ah non, le mien est mille fois mieux, bizarrement. Ouais, mais c'est ce que je dis. C'est dommage que je sois casé parce que c'était quand même l'homme idéal, quoi. Alors là, avec le jogging et tout, c'était vraiment mon style. Ah ouais, tes parents auraient dit ah bah bravo, ma fille. Enfin, l'homme idéal. Je suis fier de toi. Mickaël, à la radio. Hey, Mickaël, c'est John McLean. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas te sentir passer. Je fais du 46, coco. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Allez, youpikaï, pauvre con. 7h33 sur Fun Radio, on passe direct aux infos maintenant car nous sommes en retard. Et oui, une fois n'est pas coutume, avec Julie maintenant, c'est parti. Salut à tous, grève à la STIB ce matin, 11 lignes de bus à l'arrêt. C'est le dépôt Jacques Brel à Anderlecht qui est parti en grève suite à des agressions ayant eu lieu hier soir contre deux bus de la ligne 84 à Molenbeek. Jet de pierre et coup de feu, c'en était trop pour le personnel qui a débrayé. Une réunion à 9h décidera de la suite des événements. Réunion importante cette semaine au chapitre politique, réunion qui devait se tenir aujourd'hui autour du formateur Elio Di Rupo avec les 8 présidents de parti. Eh bien, elle a été reportée à demain matin. Motif, une difficulté d'agenda de Jean-Michel Javot lors de cette réunion. Elio Di Rupo présentera aux 8 les modifications à sa note. En attendant, le formateur a poursuivi durant tout le week-end ses contacts bilatéraux à un rythme soutenu. De son côté, la NVA, qui s'était retirée des négociations en juillet dernier, eh bien, elle espère l'échec du formateur. Son président Bart De Wever a déclaré ce week-end qu'au moins ça marche pour la formation d'un gouvernement, au mieux ça fonctionne pour la NVA. À Charleroi, une terrasse s'est effondrée et un jeune homme a chuté de 4 étages. Hier, deux hommes de 25 ans se trouvaient sur une terrasse d'un appartement boulevard Thiroux en compagnie d'amis. Lorsque la rambarde s'est effondrée, le premier jeune homme est parvenu à se rattraper de justesse au troisième étage, mais le second a chuté. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital et il est gravement blessé. Ce matin, son état est toujours critique. Son ami est lui que légèrement blessé mais sous le choc. D'après les premiers éléments de l'enquête, la vétusté du bâtiment est remise en cause. Le vent a atteint près de 170 km/h lors du festival Puckle Pop le 18 août dernier. C'est ce qui ressort de l'enquête menée par des experts. Selon les spécialistes, des rafales d'une telle intensité sont très exceptionnelles et les conséquences qu'elles ont eues encore plus. Pour rappel, 5 personnes avaient perdu la vie lors de ces éditions du Puckle Pop. Actualité à l'étranger en France. Aujourd'hui, c'est l'ouverture du procès de Jacques Chirac et de 9 autres prévenus dans l'affaire des emplois présumés fictifs de la ville de Paris. Les avocats de l'ancien président de la République ont annoncé samedi que leur client avait demandé d'être représenté par des conseils à son procès, n'ayant plus l'entière capacité de participer au déroulement des audiences. Jacques Chirac aurait des pertes de mémoire. Et puis en sport, Xavier Malisse a été éliminé en 8e finale du double messieurs à l'US Open à New York. Et puis grosse frayeur pendant la conférence de presse de Rafael Nadal. Il devait commenter sa victoire à l'US Open toujours, mais il a été pris de crampes violentes. La salle de presse a dû être évacuée, mais plus de peur que de mal, le joueur est revenu terminer sa conférence 15 minutes plus tard. La météo maintenant. Aujourd'hui, on a droit à quelques éclaircies et puis quelques averses isolées, surtout à l'ouest du pays. Température de 15 à 20 degrés cet après-midi. Demain, matinée pluvieuse et éclaircie l'après-midi et 15 à 21 degrés. Très bien. Allez, l'info en plus, elle arrive dans quelques secondes. Restez bien là. Fun Radio. Fun Radio. L'info en plus à 7h36, Julie. Alors moi, je voulais vous parler du Pékin Express version tout nu. Oui, voilà, c'est un Pékin Express. Non, ça n'a rien de sexuel. Bon, c'est pas exactement Pékin Express parce que c'est une nouvelle émission de télé-réalité et ça s'appellera plutôt Nu et culotté. C'est donc deux candidats qui partent à l'aventure dans leur plus simple appareil. Le nom n'est pas terrible, si je puis me permettre. Non, Nu et culotté, ils auraient pu me trouver un peu mieux, ça c'est sûr. Ils auraient pu trouver 100 fois mieux même. Peut-être que d'ici là, ils trouveront quelque chose d'autre. Oui, c'est vrai. Non, déjà, c'est faux. Ils nous mentent. Ils sont nus et déculottés. Ah, oui, en plus. Exactement. C'est la publicité mensongère. Oh, voilà, incroyable. Bah, merci d'avoir relevé. Voilà. Merci, toi. Donc, ce sont deux amis qui ont pour défi de partir nus dans une forêt de la Drôme, donc c'est en France, et d'aller jusqu'en Corse pour faire du parapente. Et tout ça nu comme des vers, sans nourriture et sans argent. D'accord. Donc, l'aventure risque d'être assez rigolote et ce sera à suivre sur France 5. D'accord. Il y aura surtout beaucoup de gardes à vue. Oui, ça c'est possible aussi, effectivement. Probablement, oui. Bon, ah oui, je voulais en profiter aussi pendant les infos. J'ai décidé de me mettre au sport ce week-end. Donc je cherche quelqu'un qui me vendrait un vélo. Bah, écoute, on en reparlera quand tu auras vraiment fait. Oui. Non mais je cherche un vélo là, je veux commencer du vélo, un petit VTT. Donc si vous vendez un vélo, faites-moi signe, hein, michael@funradio.be. Moi je cherche un tapis de course, donc n'hésitez pas. Non mais toi tu vas jamais en faire. Moi je vais être honnête avec vous, je ne ferai pas de sport cette année. Bah, voilà, oui, peut-être, mais moi je cherche quelqu'un pour je cherche quelqu'un qui vend un vélo le meilleur pour le moins cher. Voilà, mon budget étant de 5€. Ah ok, d'accord, ok. Ne vous inquiétez pas s'il venait à casser dans les 3 prochains jours, ce n'est pas grave, de toute façon il ne comptait pas aller plus loin. Non, c'est faux. Donc voilà, j'ai essayé d'en faire avec Vince qui fait la libre antenne le soir. Voilà, donc on fera un petit tour en vélo, peut-être pas tous les jours, mais au moins une fois tous les deux jours. Donc voilà, on fera du vélo pour être deux animateurs bien sportifs et avec un corps svelte. Bon, il y a du travail chez les deux, hein, mais enfin bon. Ah, c'est sûr. D'ailleurs, ça me parle, il faut qu'on mange les fartourages aussi, les petits beignets portugais que j'ai ramenés. Mais moi j'attends. Oui, bon, le sac est là, je le vois, j'ai pas droit. Oui, on va le faire. Bon, on va aussi vous payez les factures. Je vous rappelle que comme ça n'a pas décroché tout à l'heure, vous pouvez vous inscrire et ceux qui s'inscrivent depuis 7h15 ont toutes les chances d'être sélectionnés puisque je ne sélectionnerai que ceux-là. Voilà, 6322 jusqu'à 8h10, vous pouvez vous inscrire. 6322, débutez le message par facture avec vos cordes, avec n'importe quoi, avec le message facture, le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture et la petite devinette qui colle. Oui, je fais tout d'un coup car oui, nous sommes en retard. Alors attention, où est-ce qu'elle est? Voilà. Qu'est-ce qui est aussi gros qu'un éléphant mais qui ne pèse rien? Appareil photo numérique est gagné. Qu'est-ce qui est aussi gros qu'un éléphant mais qui ne pèse rien? 6322, 1€ par message, bonne chance. Et au niveau du son, à 7h39 sur Fun Radio, c'est Britney Spears qu'on écoute et I Wanna Go. Bon réveil tout le monde et bon courage pour aller au boulot. Ah, arrête de chanter. Bah, c'est un peu... pas terrible quoi Britney, hein, sur la fin là. Le... Oui, c'est pas des toutous en plus qui a fait ça. Ah non, pas du tout. Ma personne ne l'a compris. Hein, mais bien sûr, évidemment. Bon, je rappelle la petite devinette qui colle là, ce matin à 7h42. Qu'est-ce qui est aussi gros qu'un éléphant mais qui ne pèse rien? On proposait une montgolfière. Ah si, ça pèse quelque chose une montgolfière. Hein. Si, ça pèse quelque chose. Un sac de plumes géant. Bah si, ça pèse aussi. Ça pèse aussi un sac de plumes. Oui, même si ça pèse pas grand-chose, oui. Ça pèse aussi. Alors par contre là, autant les deux premiers que je viens de dire, je peux comprendre. Autant là, une météorite, je comprends pas. Monsieur, qu'est-ce qui est aussi gros qu'un éléphant mais qui ne pèse rien? Une météorite. Alors comment vous expliquer? Les météorites, ça pèse quand même quelque chose. Ah, beaucoup tout même. Si elles s'écrasent sur la terre, elles font des très très gros trous. Voilà, beaucoup beaucoup. Bon, très allez. Pédagogique, Julie. C'est bien. Écoute, j'essaye d'expliquer à nos auditeurs comment ça fonctionne un petit peu. Bon, donc si vous avez la bonne réponse, il y a des appareils photo numériques à la clé. Je vous répète la petite question. Qu'est-ce qui est aussi gros qu'un éléphant mais qui ne pèse rien? Un nuage. Non, c'est une mauvaise réponse. Et ce truc suit l'éléphant partout. Oui, bah et même tout le monde au final, car au final tout le monde en a une. Allez, je donne un indice. Une. Mais de préférence que celle de l'éléphant. On en a pas beaucoup une cet été. Hein, parce que non, voilà, c'est ça. De préférence, il faut quand même beaucoup de lumière. Il faut quand même du soleil pour en avoir une, et c'était pas trop le cas. Du soleil ou beaucoup de lumière. Voilà, j'en dis pas plus. Bon, qui est avec nous pour jouer à ce magnifique jeu qui a mis le réveil la Belgique. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Anka. Anka. Oui. Comme un Anka. D'accord. Ben, bienvenue à toi, Anka. T'appelles d'où, t'as quel âge? J'ai 30 ans. Oui. Je suis de Bruxelles. De Bruxelles. Et je suis en train d'aller au travail maintenant. Voilà, un très bel accent. Oui, ça vient d'où ce petit accent-là? Un peu pays de l'Est, non? Oui, je suis roumaine. Ah, voilà, c'est très joli. Roumaine, d'accord. Ça peut intéresser toi, ça. Ah, certainement, mais il réagit pas, bizarrement. J'avais une salvade, mais je vais la garder pour moi. Mais garde-la pour toi. Sinon, non, il paraît que les Roumaines sont très libérées sexuellement. Oui, mais on a compris. Mais moi, j'avais compris que en général, les pays de l'Est sont jolis. Sont jolis, d'après. Oui, ce sont des très jolies filles. Ça dépend, ça dépend. Oui, parce qu'Anka est très moche, hein, elle ne voulait pas nous le dire. Mais... Beaucoup d'agences de mannequins ont des filles de pays de l'Est. Elles sont très très jolies. Mais il n'y a pas que les agences de mannequins. Ok, bon, on va peut-être s'arrêter là, 7h45. Vous rappelez qu'il est 7h45. Bah, quoi, l'information n'attend pas. C'est une information importante. Bon, alors on va jouer maintenant. Mickaël réveille la Belgique. Anka, tu as prévu quoi pour réveiller la Belgique? Tu vas aller réveiller qui? En fait, j'ai envoyé le message juste, excusez-moi, je suis un peu émotionnée. C'est pas grave, c'est pas donc grave. J'avais juste le message comme ça. Je dis, bah, de toute façon, vous allez jamais m'appeler. Eh ben, t'as vu, hein. Et ben voilà, vous m'avez appelé et puis maintenant je suis dans la voiture. Je sais pas qui je vais réveiller, mais je vais essayer. Ah bah, tu sais quoi, alors, t'es où? T'ouvres la fenêtre. Ouais, t'ouvres la fenêtre, mais il y a des gens autour de toi. T'es dans un embouteillage, tu es sur l'autoroute, t'es où? Oui, je suis sur l'avenue de la Liberté, je crois. Avenue d'Exposition. Ah ouais, non, avenue de la Liberté. Oui, d'accord, ouais. Oui, c'est à Kuckelberg. D'accord, ouais, Je vais essayer, donc je suis dans la file, je vais essayer. Voilà, dans la file, tu cries, tu klaxonnes en même temps. Hein, voilà, comme tu vois bien dans tes fenêtres. Voilà. Vas-y. Donc je devrais dire quoi? Ah oui, pardon, excuse-moi, c'est moi qui ne l'ai pas dit. C'est, tu fais tous les matins, Mickaël réveille la Belgique sur Fun Radio et tu klaxonnes. Mickaël qui réveille la Belgique! Tous les matins sur Fun Radio. Sur Fun Radio! Vas-y, klaxonne encore un peu. Klaxonne, klaxonne. Vas-y, allez. Ah, debout. Allez, voilà, debout. Bande de feignants. Il y a personne qui réagit, quoi. Ah, mais tout le monde, c'est normal. Mais ça, oui, c'est ça. Il y a un gros camion, il va descendre. Et donc, ma chérie. Attendez, Yann, ici, je vais le dire. Bonjour, vous écoutez France Radio? Pardon? Vous écoutez France Radio? Non. Ah, bon, il faut l'écouter parce que Michael les réveille tous les matins en Belgique. Oh, elle fait ça bien. Voilà. Ah, bah, magnifique! C'est exactement ce qu'il fallait faire, c'est parfait! Alors là, franchement, je me demande si c'est pas la meilleure depuis qu'on a commencé le jeu. Oh, pas loin, non, pas loin. Non, il y avait le père qui avait réveillé. Oui, il y avait le père. Désolé, oh, moi, c'est horrible ça. Ah, ouais, c'était moi, ça c'est au-dessus. Et papa, c'est vrai, pourquoi tu nous réveilles? Bon, Anka, bravo et merci à toi, tu restes au standard, on va prendre tes coordonnées pour t'envoyer un cadeau, d'accord? Ok, merci. Je te fais des bisous, Anka. À bientôt. Bonjour, au ciao. Et tout à l'heure, on aura Jean-Marc Morandini qui sera avec nous. Et puis, la petite question, la petite devinette qui colle toujours. Hein, je la répète encore un petit coup là maintenant. Qu'est-ce qui est aussi gros qu'un éléphant mais qui ne pèse rien? Tout le monde a ça. Tout le monde doit vivre avec. Oui, mais si c'est aussi gros que l'éléphant, ça veut dire que c'est celle de l'éléphant. Oui, parce que excuse-moi, mais je n'ai pas la mienne n'est pas aussi grosse qu'un éléphant. Oui, oui, toi. Sinon, non. Je serais un petit peu vexé quand même. Voilà, c'est vrai, effectivement. Bon, si vous avez la bonne réponse, bah, 63-22, c'est 1€, sûr, un euro par message. Des appareils photo numériques sont à la clé. Et donc, on la voit souvent, mais il faut impérativement beaucoup de lumière ou même le soleil. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Bon, moi, je mange les beignets, hein. 7h51 sur Fun Radio et l'info trafic maintenant avec Julie qui est en train de manger les fartourages d'un beignet portugais que j'ai ramené de ce week-end. C'est super. Et elle méga mange, bon. Elle a les doigts gras et gras de partout. Moi j'ai compris qu'ici j'allais prendre 36 kilos. Ah ouais, hein. Je pense que c'est bien clair. Après le petit déj de Steph, le petit déj de Mickaël qui est lourd. C'est vrai. Bon, je vais essayer donc de vous expliquer qu'il y a un accident sur le 19 Bruxelles Mons Valenciennes à hauteur de Strépy en direction de Mons. C'est la bande du milieu qui est obstruée. Et puis il y a une perte de chargement sur le 403 Tournai Courtrai en direction de Bruges à hauteur de Wevelgem. Ah c'est tout? Bah excuse-moi, c'est déjà pas mal. Parce que j'ai mis un morceau de fartourage en bouche. Ah oui non, excuse-moi, je sais tout. J'aurais préféré que tu sois un peu plus longue. Bah non, écoute. Mais tant pis, c'est pas grave. Hein. Ça, moi je peux continuer à manger, toi tu reprends le truc. Bah voilà, je mange un grand morceau. Mais vas-y, on mettra les photos sur. On va les mettre maintenant là sur mikl.fm, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Bon allez, on se fait maintenant le. Là. Ouais, il a dit un tir relou. C'est vrai aussi, c'est vrai, j'étais mal. J'étais induit un peu en erreur. T'as dit quoi de toi? Bah rien. Pour un monde sans relou. Exact, et ça se passe comme ça chaque matin. Bon, là, on est un peu en retard depuis le début de l'émission, de toute façon, on est en retard. Tout. Voilà, c'est, pas c'est tous les matins, 7h moins quart, 8h moins quart et 9h moins quart. Écoutez les meilleurs messages maintenant de ce mois-ci. Apparemment, je sais pas pour les conjoints, mais tu me téléphones quand tu as envie. Comme ça, je sais quoi, ou c'est encore. Non, je sais pas. On verra. À la prochaine. Et j'espère qu'on se connaît. On va se voir. Mais c'est pas gagné, hein. Voilà. Donc déjà, c'était un message que je voulais repasser parce que il fallait quand même savoir que le mec essaye de draguer une fille avec un téléphone où elle ne comprend rien. Ça, mais les relous, 9 fois sur 10, ont des téléphones, on pige rien. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Pour ça qu'ils sont relous. C'est parce qu'ils ont des téléphones pourris, donc ils croient qu'ils sont persécutés par fait, le neuf. Alors qu'en fait, non, c'est juste qu'elle comprend pas ce qu'elle lui dit. Mais voilà, elle aimerait bien rappeler, mais voilà. En toute simplicité. Bon, allez, deuxième message laissé maintenant sur le répondeur, la ligne anti-relou. Hey, c'est qui là au téléphone? Je voudrais savoir c'est qui. J'aimerais bien entendre ta voix quand même. Oh là là. Au téléphone ou tu laisses ton numéro aligné? Et laisse ton numéro allumé. Et enfin, le dernier message. Ouais, salut. Bah, tu me rappelles pas. C'est que ça comme ruiné pour toi. Eh ben voilà, les messages de l'agneau anti-relou. Non mais quel dommage. Bon, dans un instant, c'est Maître Ping qui va revenir. Et avant cela, on va écouter le son de Bruno Mars et Marry You sur Fun. Mickaël à la radio, tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Sympa pour se réveiller ça. Petit son sympa, Bruno Mars à l'instant, c'est le petit nouveau. Avec Marry You. Ça te plaît, Julie? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, t'as le elle bouffait là. Elle bouffe. Occupé, il y a Steph qui est venu la semaine dernière nous apporter le petit déj qui demandait ce que tu préférais, Julie. Mon petit déjeuner ou le sien? Non, mais c'est pas comparable, Steph. Bah, tu vois, elle veut pas faire de peine. Mais non, c'est juste que c'est pas comparable. Mais oui, elle veut pas faire de peine. On a compris, y a pas de problème. Ça, c'est portugais, je crois. Oui, c'est vrai. Allez, 7h58 sur Fun Radio. Bon réveil, tout le monde, si vous débarquez. Soyez les bienvenus. C'est Mickaël à la radio. On est là jusqu'à 9h30 et on va vous rembourser vos factures dans un instant. Attention, d'habitude, on prend au hasard parmi tous ceux qui se sont inscrits. Et comme là, ça n'a pas décroché. Bah, 7h10 à l'heure, on remet le couvert maintenant. Et donc, on va sélectionner que ceux qui se sont inscrits entre 7h10. Et 8h10, donc 63-22 en débutant le message par facture avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Ah, il est encore là. Eh ouais, il est encore là, Maître Ping, hein. Bien sûr. Alors, j'ai préféré qu'il évite de revenir. C'est oui, bah moi aussi. Maître Ping, le restaurateur chinois d'à côté là, qui est là ce matin pour trouver un nouveau fournisseur de chiens, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, il y a une détente dans l'entrepôt du fournisseur à Paris. Du coup, j'ai plus de chiens pour la cuisine. Ça. Et vous voulez qu'on appelle où maintenant? Parce que tout à l'heure, on a appelé à Ussini et le mec avait l'air plutôt ouvert pour vous donner du chien. Bien sûr, il était très très ouvert, c'est très gentil, très cordial, 100 euros du kilo de tien. Bon, je fais le deuxième de la liste que vous m'avez donné. Oui, t'as le deuxième de la liste. Non mais je vais pas appeler à Florifou. Mais si, t'es une ville comme une autre, hein, même si t'as fait un peu nom de croquette pour tien. Oui, ça c'est sûr. Bon, allez, c'est bon, ça on que y tu va. Tu l'as choisi en fait. Bah oui, c'est ça. Allez, on y va, Maître Ping. Oui, allons-y. Oui, alors. Puis on aura les infos, en retard, hein, Julien. pas du tout. Non, vite fait. C'est pratiquement 8h là. Mais non. Que ça va pas décrocher. C'est possible, ce qui nous ferait gagner beaucoup de temps. Ouais, c'est ça. Allez, encore une petite sonnerie, ou deux. Oui, allô. Bonjour, madame. Oui. Oui, voilà, je vous appelle parce que je suis restaurateur. Mm-hmm. Voilà, je vous appelle parce qu'a priori, vous faites élevage de chiens. Ah non, on fait pas de chiens. Ah, vous faites quoi, vous? Élevage de chats. Oh, t'es bon, t'es bon, vous avez quoi comme t'as? Bah, on a des British sur terre. Bien sûr. Et vous les vendez combien? On les vend à 450. 450, et t'as pète combien à peu près? Attendez, un petit instant. Oui, bien sûr. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Maître Ping à l'appareil. Voilà, en fait, je vous appelle parce que j'étais pénurie de chats et de chiens, et a priori, vous faites élevage de chats. C'est pour faire. Chatons, hein, ça vaut 500 ou 600 euros le chaton. D'accord, mais c'est-à-dire que le taton, mais je peux les faire grossir? Oui, mais on vend pas pour ça. Ah bon? Mais téléphonez à la SPA, la Louvière. Oui, mais non, parce que toi là et ton malade, ils ont des maladies, ça m'intéresse pas. Après, oui, le client, il est malade, il te plaint. Non. Beaucoup, hein, là. Ça, t'es pas possible. Je suis content de vous avoir au téléphone. Non, mais t'es pas possible. Moi, tu peux pas faire avec des chats de la SPA. Ah ouais. Moi, je veux des bons chats, des chats qui ont été bien élevés, bien nourris. Sinon, après, le client, il est malade. Oui, non, pour ça, on vend pas de chat pour ça. Oui, mais tu ne vous le dis pas, vous n'en tapez rien. Non, mais même, ils ont la puce électronique, on ne les vend pas pour ça. Non. Bien sûr, mais je garderai la puce, pas problème. Pas problème. Non. Vous savez, nous, on a l'habitude avec les puces, hein, vous savez. Oui, je m'en doute. Bon. Désolé, non. Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui, au revoir. Au revoir. Oui, au revoir. Oui, salut. Allez, au revoir. Oui, au revoir. Au revoir. Bah, tu raccroches pas? Bah, je peux pas, moi. Tout d'abord. Parce que mon téléphone il est cassé, il n'y a pas de touche, raccroche. Ah, c'est emmerdant ça. Bah oui, c'est ça, parce que si tu vous raccroches pas, alors moi je raccroche pas. Ah oui, ça va te coûter cher alors, communication, si je raccroche pas. Non, t'es pas grave, j'ai carte illimitée, pas problème. Ouais. Ah bon, on reste comme ça alors. D'accord, pas problème. Ouais, allez, salut. Hein. Oui, allez, au revoir. Au revoir. Oui, Et ben voilà, ça y est. Bon, Maître Ping, à tout à l'heure. Oui, bien sûr. On essaiera de rappeler, hein. Oui, bien sûr. Pas très problème. Bien. Bon, dans un instant, on paye les factures, on donnera la réponse à la devinette qui colle et les infos arrivent en retard. Mickaël. Mais ça va venir. Et c'est ça le principal. Salut, c'est Cartman. C'est toi aussi, tu t'es tapé la mère de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Nissan change les règles lors de ses portes ouvertes. Du 9 au 17 septembre, profitez d'un financement 0% et des super conditions sur le Nissan Qashqai. Offre soumise à condition, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Mieux vaut tard que jamais. Record battu. Ah ouais, je pense aussi. Les infos maintenant, 8h03 sur Fun. Salut à tous, grève à la STIB ce matin. 11 lignes de bus à l'arrêt. C'est le dépôt Jacques Brel à Anderlecht qui est parti en grève suite à des agressions ayant eu lieu hier soir contre deux bus de la ligne 84 à Molenbeek. Jet de pierre et coup de feu, c'en était trop pour le personnel qui a débrayé donc ce matin. Une réunion à 9h décidera de la suite des événements. Semaine importante au chapitre politique. Une réunion devait se tenir aujourd'hui autour du formateur avec les 8 présidents de parti, mais elle a été reportée à demain matin. Motif, une difficulté d'agenda de Jean-Michel Javot. Lors de cette réunion, Elio Di Rupo présentera aux 8 les modifications à sa note. En attendant, le formateur a poursuivi durant tout le week-end de ses contacts bilatéraux à un rythme soutenu. À Charleroi, une terrasse s'est effondrée et un jeune homme a chuté de 4 étages. Hier, deux hommes de 25 ans se trouvaient sur la terrasse d'un appartement boulevard Thiroux avec des amis. Lorsque celle-ci s'est effondrée, le premier est parvenu à se rattraper de justesse au balcon du troisième étage, mais le second a chuté. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Il est gravement blessé. Son état est toujours critique ce matin. Son ami n'est lui que légèrement blessé, mais sous le choc. D'après les premiers éléments de l'enquête, la vétusté du bâtiment est remise en cause. Le vent a atteint près de 170 km/h lors du festival Pocolpop le 18 août dernier. Et c'est ce qui ressort de l'enquête. Enquête menée par des experts, selon les spécialistes, des rafales d'une telle intensité sont très exceptionnelles et les conséquences qu'elles ont eues encore plus. Pour rappel, 5 personnes ont perdu la vie lors de cette édition du festival. Actualité à l'étranger, en France aujourd'hui, c'est l'ouverture du procès historique de Jacques Chirac et de 9 autres prévenus dans l'affaire des emplois présumés fictifs de la ville de Paris. Mais les avocats de l'ancien président de la République ont annoncé samedi que leur client avait demandé à être représenté par des conseils à son procès, car il n'aurait plus l'entière capacité de participer au déroulement des audiences. On pense que Jacques Chirac a des pertes de mémoire. Et puis en sport, Xavier Malisse a été éliminé en 8e de finale du double messieurs de l'US Open à New York. Et puis grosse frayeur pendant la conférence de presse de Rafael Nadal. Il devait commenter sa victoire à l'US Open toujours, mais il a été pris de crampes violentes. La salle de presse a dû être évacuée, mais plus de peur que de mal, le joueur est revenu terminer sa conférence 15 minutes plus tard. Et on fait un tour de la météo, du côté de la météo par contre. Aujourd'hui, on aura droit à quelques éclaircies et quelques averses isolées, surtout à l'ouest du pays, de 15 à 20 degrés cet après-midi côté température. Demain, matinée pluvieuse et éclaircie l'après-midi. Voilà, bon, c'est un petit peu comme aujourd'hui où il fait un peu gris aussi dégueulasse. Mais rassurez-vous, l'hiver arrive et au moins on saura pourquoi il fait dégueulasse. Fun Radio. Et à 8h07 sur Fun Radio, c'est maintenant l'heure de faire un tour du côté de l'info en plus. Eh bien, c'est une info, Toff n'est pas à passer à côté de cette info, on en a déjà parlé ce matin. C'est un Français qui a dû payer 10 000 euros à son épouse, enfin plutôt à son ex-épouse, pour ne pas lui avoir fait l'amour durant plusieurs années. Ce qui est plutôt original. La loi française prévoit que les conjoints doivent respecter une communauté de vie, rapport sexuel inclus. Mais c'est normal. Et le divorce a été prononcé après 21 ans de mariage et donc la femme a réclamé 10 000 euros à son ex-mari. En toute simplicité. Il n'avait pas rempli son devoir conjugal. Voilà, c'est ça, en toute simplicité. Bon, l'info plus revient tout à l'heure. Dans un instant, également, la réponse à la petite devinette qui colle. Et il faut aussi que je vous donne la réponse de la devinette qui colle, de la question qui colle qu'on a posée tout à l'heure. Personne d'ailleurs n'avait trouvé la bonne réponse. À combien de mètres a été établi le nouveau record du monde de lancer de potiron? La réponse était 140 mètres 866, 140 mètres plus loin. 140 mètres plus loin que le précédent record et donc le record était 866,2 mètres. Voilà, c'était 5 kilos quand même qui a été propulsé à cette distance. Hein. Tout de suite, ça devient plus impressionnant. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Je vais peut-être me mettre à ça, tiens, ce sport-là, le lancer de potiron plutôt que le vélo. Bien sûr. Je vais réfléchir. Tu auras la classe. Tiens. Ouais, je trouve aussi, oui, tiens, c'est vrai. On demande des photos. D'ailleurs, je relance mon annonce, hein, je n'ai reçu personne comme j'ai eu personne. C'est normal, ils savent que ce vélo sera malheureux, donc c'est pas vrai. Ça. Je cherche un vélo, un VTT, si vous en vendez un ou en donnez un, on sait jamais. Mickaël@funradio.be, vous me faites un mail, surtout n'hésitez pas. Dans un instant, on paye vos factures, inscrivez-vous, vous reste 3 minutes. Ça se passe au 63-22, débutez le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. On fait ça juste après Man, Snoop Dogg et Yaz. Maintenant, The Mac sur Fun. plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Voilà le son à l'instant de Mac avec... Faut savoir que c'est un peu la fight dans la radio parce que on a un auditeur, il y a Amaury qui vient de débarquer avec le petit déj, sachant que moi j'ai ramené celui du Portugal là, il est avec ses semelles, pain au chocolat. Trop mignon. Bah ouais, mais là il va falloir que tu les manges. Attends, il est venu à pied de Saint-Pierre. C'est impossible. Attends, je viens de m'empiffrer avec tes espèces de beignets portugais gras comme trois giants. Mais non, mais gras. D'où, comment peux-tu dire que c'est gras? Attends, les mains sont encore super grasses. Non, c'est pas ça, mais faudrait prendre une photo du papier dans lequel les beignets. C'est pas ça, mais ce papier quand tu pousses sur le beignet, en fait il pleut. Il coule. Oh là là, de graisse. Et donc on a ce charmant Amaury qui peut parler dans le micro. Tu vas mal le prendre si on mange pas ton petit déjeuner, ouais, c'est normal. Ouais, Franck, j'ai mal le prendre. J'ai quand même pas de savoir quelqu'un. Écoute, je vais le manger, ça je te le promets. Mais pas maintenant parce que je viens de m'empiffrer. Mais je vais le manger, ça c'est clair. Lui fait pas confiance, c'est une menteuse. Non, non, c'est faux. Attends, je vais le manger, bien sûr. Il y en a deux à manger. Oui, mais je vais les manger. Deux, ouais, elle va les manger. Mais ce sera pas avant 14h, quoi. Ouais, mais il faut les manger, mais c'est bien. Mais c'est bien. Allez, mange, ma fille. Je vais me faire prendre du poids. Allez, mange, ma fille. Bon, j'ai un vélo à donner, mais sans sel. Oui, non, mais ça m'intéresse pas, ça. Mais si, justement, tiens. Ah non, non, mais sans sel, ça m'intéresse. Vas-y, bien, tu pédales un pont. Ouais, tu seras en danseuse. Ah ouais, c'est génial. Bon, allez, on va payer les factures maintenant. C'est parti, on y va, on appelle quelqu'un. Je peux pas, j'ai les doigts tellement gras là. Mais si. Ah oui, c'est ça. Voilà. Comment s'appellent encore tes trucs portugais? Des fartures. Farturas. Farturas, voilà. Bon, alors, on y va, on appelle quelqu'un ou quelqu'une qui s'est inscrit ou inscrite donc au 6322 en débutant le message par facture. Si il ou elle décroche, c'est gagné. C'est aussi simple que ça, hein. Si elle écoute Fun, évidemment, car je lui poserai la petite question, bien entendu. C'est un petit peu la question de sélection. Voilà. Alors. Et si elle ne décroche pas, on remettra le couvert. On ne sélectionnera que ceux qui sont inscrits entre 8h15 et 9h10. On rembourse quoi, t'offres combien? Oui, 35 euros de fartourage. Non, c'est pas des fartourages. Non, mais c'est 35 euros. Tu rigoles, j'en ai acheté 8, ça m'a coûté 4 euros. 5 euros, un truc comme ça. Ouais, mais attends, pourquoi est-ce qu'il n'y en avait que 4 ici? C'est peut-être un gourmand. Où sont passés les 4 autres? Bah, j'ai fait le voyage. Il s'est nourri. Bah, bien sûr. Non, mais au total, pire. Stress, génie. Je suis absente pour l'instant, mais laissez-moi votre nom et votre numéro et je vous rappelle dès que possible. À très bientôt, merci. Avec plaisir. Bizarre, oui, allô, bonjour, c'est Mickaël, t'étais en direct à la radio sur Fun Radio, tu t'étais inscrite pour qu'on te rembourse tes factures, et bien malheureusement c'est 35 euros sous le nez. Voilà, je sais pas ce que c'était les 35 euros, pourquoi c'était, il fallait rembourser quoi. C'était une facture, j'ai cru voir, de GSM. Ouais, bah écoute, attends, je sais pas. J'essaie de la retrouver. Bah tant pis, bon bah voilà, c'est pas grave, en tout cas merci à toi, je te remercie par rapport aux autres auditeurs qui vont peut-être gagner maintenant. Bon bah allez-y aussi, dès maintenant je ne sélectionnerai que ceux qui s'inscrivent entre 8h15 et... Elle s'était inscrite à 7h36. Ah bah c'est dommage. Voilà, 8h15, 9h10. Vous avez 55 minutes maintenant pour vous inscrire, pour tenter de repartir avec la facture, en fait, tout simplement votre facture. 63,22, c'est 1€ par message. Débutez le message par facture avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Dans un instant, la réponse à la devinette qui colle. Ah, tu la veux pas maintenant? Non, bah après, là, j'ai pas le temps. Non, encore. Et juste après, bah je suis désolé. Bon, mais juste après, là, mais elle reviendra. Et juste après, il y aura Doudou. Restez là, tout de suite. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Le son des Neyeurs à l'instant avec Mombi, c'était Suavemente à l'instant sur Fun Radio. D'ailleurs, si vous aimez ce style de musique, eh bien, soyez au rencard, évidemment. Soyez au rencard tous les vendredis soirs entre minuit et 1h du matin. C'est l'Invasion Latina sur Fun Radio. Et nous allons accueillir qui maintenant pour la petite devinette qui colle? Nous avons Mélo de Charleroi, 29 ans. Très bien, bonjour. Bonjour Mélo, comment ça va? Oui, bonjour, ça va. Bon, Charleroi, c'est 103.5 pour écouter Fun Radio à Charleroi. Mais ça ne sert à rien que je le dise, puisque de toute façon, on est déjà premier là-bas, donc tout le monde est déjà au jus. C'est normal, au final. Et Mélo, tu avais la réponse, c'est la petite devinette qui colle. Alors, oui. Juste avant de faire la réponse, je voudrais juste que notre amie journaliste, Julie, nous donne sa petite devinette qu'elle a trouvée comme une grande il y a quelques instants. Et dont elle était très fière. Attends, j'étais archi fière. Fière comme un coq. Donc on essaye tous un peu de trouver des petites devinettes. Et bon, moi j'étais en train de chercher et je tombais sur une devinette trop mignonne. mignonne. Et j'ai pas du tout dit que je voulais la passer à l'antenne. J'ai juste dit qu'elle était adorable. Oui. Donc je la passe vraiment à l'antenne. Vas-y. Okay. Non, on va pas jouer, hein. Tu donnes directement la réponse. Je me doute, j'ai bien compris. Mais allez, bon, vas-y. C'est spécial dédicace à mon amoureux, alors. Que disent deux chats quand ils sont amoureux? Non, mais. Non, mais les chats, par contre. Donc, que disent deux chats quand ils sont amoureux? On est félin pour l'autre. Oh là là, Mélo, t'en as pensé quoi? Allô? Voilà, je crois que j'ai perdu. Mélo, elle a raccroché. Mélo, elle a perdu. Tu en as pensé quoi de cette magnifique devinette? Oui, c'est mignon. Ah, c'est mignon, mais j'ai pas dit que je voulais la passer à l'antenne. J'ai juste partagé mon bonheur avec mes collègues et en fait, je ne m'aurais jamais tué. Voilà. Sinon, ça ne se reproduira plus. Tes collègues ont partagé ton bonheur matinal et ont publié les photos de toi au petit-déj. Ah oui, nickel.fm, vous pouvez aller voir. Bon, Mélo, en tout cas, bravo à toi. Tu repars avec un appareil photo numérique. On va te prendre tes coordonnées, t'envoyer tout ça rapidos. D'accord? Oui. Mais je te fais des gros bisous. À bientôt à Charleroi. Salut à toi. À bientôt, merci, au revoir. Ciao, bye bye. Bon, bonne chose de fait, tiens. Bon, Doudou. Ah oui, très en retard. Doudou, oh là là là là là, d'ailleurs, Fun Radio, on va y aller direct. Doudou, les béliers, ah oui, comme ça, direct, faut gagner du temps. Et puis on aura la déclaration express, on va aller direct aussi. Tiens, d'accord, alors on va aller se dépêcher. Alors vous êtes insatisfait, vous avez tendance à vous maltraiter à votre entourage. Non, mais arrête, il faut que ce soit compréhensible aussi. Donc, Mickaël maltraite son entourage, c'est ça, hein, parce qu'il est bélier. Voilà, vous êtes insatisfait, comme vous avez tendance à maltraiter votre entourage. C'est ça, en fait, tu nous donnes des kilos de graisse à manger, là, tu nous maltraites. Comme quoi, l'horoscope de Doudou, c'est n'importe quoi. Les taureaux. C'est vous qui voulez pas admettre. C'est ça, les taureaux. Enfin, la déesse de l'amour est à vos côtés. À partir d'aujourd'hui, vous ne devriez plus faire cavalier seul. Les gémeaux. Ne vous laissez pas intimider par votre partenaire aujourd'hui. Montrez-lui qui c'est qui décide. Les cancers. Votre perfectionnisme n'est pas toujours bien vu. Alors n'exagérez pas. Les lions. Les lions. Vénus caresse vos sens et vous fait vivre des heures inoubliables de passion. Ah oui, ça va être beau. Ça va swinguer. Prenez des capotes. Les vierges. Soignez magnanime et reconnaissez vos erreurs. Très bien, les scorpions, les balances, pardon, oui, scorpions, d'accord, les balances, c'est quand même, bien alors, évidemment. Votre réussite pourrait vous rendre arrogant, alors tempérez-vous et évitez de faire des excès. Très bien, les scorpions. Agissez prudemment dans vos affaires d'argent, sinon vous risquez d'en subir les conséquences. Évidemment. Les sagittaires. La sécurité de vos finances exige une attitude déterminée et planifiée. Les capricornes. Vos difficultés futures ne sont pas encore urgentes et elles vont en partir... Ah non, qu'est-ce que j'ai dit moi? Et oui, elles vont en partie se résoudre d'elles-mêmes. Voilà, les Verseaux. Des discussions sans fin ne vous feront pas aller de l'avant. Alors évitez donc les disputes. Très bien, et pour terminer, Doudou, les Poissons. Alors, c'est éclaircissez au plus vite un malentendu avec votre partenaire, car sinon c'est l'amour qui va en partir. Ah, et ça, oui, c'est pas bien. Ah pas oui, ça, bien, c'est très mal même. C'est mal, ah, c'est oui, mal. Ah oui, ça va être. Oh là là. Ça va être dramatique, hein. Ah oui. Mais oui. Bon, ben merci, Doudou. Bah, de rien, tout à l'heure. Ben oui, effectivement, tout à l'heure. Moi, hein, je bouge pas, je mais suis je me là. Doute. Je me doute bien. Il y a de tout à faire, de toute façon. Ah, tout à l'heure, Doudou. Bon, et on va enchaîner avant de retrouver les infos avec Julie, car oui, nous sommes en retard. J'ai beau le répéter, mais je pense que vous l'avez deviné, puisqu'on va relativement vite. Mais bon, ce qui n'est pas comme vous d'ailleurs dans les bouchons. Ah non, ça, mais c'est oui, sûr. Vous n'allez pas vite du tout, vous, hein, mais on pense à vous, rassurez-vous. Nous avons qui est avec nous maintenant pour faire la déclaration express? Bonjour. Nous avons Rémi. Salut Rémi. Ah, voilà. Ça va bien Rémi? Rémi qui est toujours en recherche de sa famille. Bah oui. Ça va bien Rémi, t'es dans quelle ville là? Herve. Très bien. Et tu c'est as quel ça, âge? C'est ça, la pute odeur, c'est le fromage. Ouais. 20 ans. Tu veux faire une petite déclaration express? Oui. Et ben on fait ça chaque matin vers 8h20 avec Sébastien Loeb. Et donc le concept est simple, tu as peut-être une copine, une fille en vue, tu n'oses pas trop aller lui parler et nous sommes là pour ça, nous sommes là pour aider à t'enlever cette timidité. Nous allons appeler qui? Ta copine ou ta future copine? Ta copine. Et pourquoi tu veux l'appeler pour faire une déclaration express puisque c'est déjà ta copine? Parce que ça ne l'est bientôt plus. D'accord. Très bien, mais c'est beau justement, c'est magnifique. Ah oui, c'est comment mignon. S'appelle ta copine? Dorian, on va l'appeler, tu lui dis voilà, j'ai un truc à te dire, écoute bien, d'accord? Et à ce moment-là, okay, nous on dégaine, ok? Ok. Allez, on y va, attention, petite pièce à musique. Parfait. Oh là là. J'ai déjà très peur. Oh là là, oui. Ça va être bon. Allez, oula. Et si c'est le répondeur, tu laisses un message sur le répondeur, bien sûr. Peut-être qu'on va virer les papiers pleins de graisse. Ouais. Belle du vieux pauvre. Pour l'instant, ça ne téléphone pas beaucoup. Ah voilà. Oui, mais on a un standard qui est un peu fatigué. Allô? Allô, Dorian? Oui. C'est Rémi. Oui. Écoute, j'ai quelque chose à te dire. On s'est rencontrés et c'était dans le bus. Je buvais une grande bouteille de vodka russe.

On me sent convaincu ou pas? D'accord. Bon, allez, la météo maintenant. Aujourd'hui, on a droit à quelques éclaircies. Oh, chance! Et quelques averses isolées. Oh, là, pas de chance. Pas de chance. Surtout à l'ouest du pays, ces averses isolées. 15 à 20 degrés cet après-midi. Demain, matinée pluvieuse et éclaircie durant l'après-midi et 15 à 21 degrés. Très bien. Bon, allez, 8h35 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde et puis bon courage si vous reprenez la route. Il y a Peter Lutz qui va arriver dans un petit instant. Et bien sûr, l'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. Bah, c'est tout de suite l'info en plus. Alors ce matin, on parle de Pékin Express version tout nu. Ah, c'est pas vraiment Pékin, oui, c'est Express. Pékin Express. Non, c'est pas, il y a pas de X là-dedans, c'est pas du tout, il y a pas de cul du tout dans cette histoire. C'est donc une nouvelle émission de télé-réalité. Bon, ça forcément. Hein. Ça s'appellera Up nu et culotté. Oui, un titre bien pourri. Oui, un titre bien pourri, mais c'est un peu comme Pékin Express. Ce sont deux amis. Toff, essaye de parler. Mais, j'ai été censuré. Je voulais parler dans cette émission. C'est faux. C'est un scandale. Donc c'est en France. Ce sont deux amis qui ont pour défi de partir nu d'une forêt de la Drôme et d'aller jusqu'en Corse pour faire du parapente, sans nourriture, sans argent et sans vêtements. Bien sûr, sinon c'est pas drôle. Ça risque d'être assez rigolo et c'est à suivre prochainement sur France 5. D'accord, bah voilà la chaîne culturelle. Oui. Culturelle. Bah culturelle surtout. Hein. Bon, la petite devinette, la petite question qui colle. Ah oui, c'est maman. La devinette qui colle, c'est tout à l'heure. Question qui colle, c'est maintenant. Alors attention, mesdames et messieurs, la petite question qui colle. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est parti. On s'accroche, vas-y. Pourquoi Alessandra Moon, la sœur de Monsieur Moon de la tribu, probablement? Pas du tout. Je sais pas. Vu la photo de la fille, non, jeune je confirme fille, effectivement, elle est bien bonne. Pourquoi donc a-t-elle été virée de l'émission Next Top Model? Pourquoi Alessandra Moon a-t-elle été virée de l'émission Next Top Model? Et c'est scandaleux. Oui, ouais, effectivement. Et si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas, 63 22, vous débutez le message par la réponse en fait, tout simplement. Et puis on vous rappelle d'ici quelques instants pour vous filer de 1 la réponse et de 2 les cadeaux. C'est des appareils photo numériques qu'il y a à gagner, sans oublier aussi les factures. On va vous les payer dans un instant. Comme ça n'a pas décroché tout à l'heure, vous pouvez vous inscrire aussi maintenant. Je ne sélectionne que et uniquement ceux qui se sont inscrits entre 8h15 et 9h10. Donc vous êtes au plein milieu là, 63 22, 1 euro par message. Débutez votre message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Peter Lutz, on écoute maintenant avec Lina LaRouge, c'est Hands Up sur Fun. Peter Lutz, à l'instant sur Fun Radio avec Hands Up, il est 9h20. Bon réveil tout le monde, tout à l'heure ne loupez pas également le grand retour du vacancier qui ne termine jamais ses vacances. J'ai nommé Evan de la tribu qui sera de retour à partir de 17h, qui sera de retour. C'était pénible, hein, là, le 5 septembre. Non, il m'a dit, écoute, j'aimerais commencer le 5 octobre. Je lui ai dit, écoute, c'est un peu tard quand même. Hein. Ouais, il voulait reprendre congé le 5 décembre. Je lui ai dit, c'est un peu tôt quand même aussi. Hein. Donc voilà, donc il sera de retour dès ce soir à partir de 17h avec évidemment Monsieur Moon. Oui, la star. Oh oui. Qui était en boîte ce week-end. A-t-elle réussi à pécho ou pas? Je ne sais pas. Ça, on ne sait pas. Il cherche à pécho. Ah, oh, bah ça fait des années maintenant. Attends, c'est un dossier qu'il faut suivre alors. Ah, c'est oui, important. Bah. Non, mais on a arrêté de le suivre. C'est un cas pathologique qu'il faut suivre. Ah, d'accord. Okay. Hein, on a arrêté de le suivre parce que bon, il y a un moment, il se passait plus grand chose. Donc bon, tiens, on s'ennuie un peu. Quoi, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Mais si t'as une cousine éventuellement pour Monsieur Moon. Ah, oh, bah disons, bizarrement, elles sont toutes prises. Ça, c'est dingue quand même. Hein. C'est dingue. Dingue. Même pas une un peu moche? Non. Je n'ai pas de cousine un peu moche. Oh oui, nous sommes l'élite dans la famille. Elle a des cousines très moches. Exactement. Trop pour Monsieur Moon. Ouais, l'élite de l'élite. Bon, dans un instant, on vous rembourse vos factures sur Fun Radio. Et puis, je vous répète vite fait la petite question qui colle. Pourquoi Alessandra Moon, non pas la sœur de Monsieur Moon, justement de la tribu, a-t-elle été virée de l'émission Next Top Model? Voilà. Et c'est scandaleux. Ah ouais, je confirme. Pourtant, elle a 18 ans, elle pèse 57 kilos et elle fait du 38. Et donc. Bah là, tu. T'as quoi? Non. Non, justement, elle a pas été virée pour ça. Elle a été virée. Un truc par rapport à son corps que les jurys ont trouvé. Ah si, elle a été un peu virée pour ça en fait. Ouais, mais non, mais ils lui ont sorti un truc bien précis quoi. Ça qui est fort et qui est sur la liste. Bon, si vous avez la bonne réponse, 63-22, allez-y. Appareil photo à la clé, bien sûr. Appareil photo numérique, hein, pas vous filer les vieux trucs avec un film. Et il y a la LMFAO qui arrive dans un instant avec Natalia Kills, Champagne Showers. On ira faire un tour du côté de la ligne anti-relou, sans oublier bien sûr l'infotrafic avec Julie. C'est dans 5 minutes sur Fun Radio. 8h42, bon réveil et bon courage si vous voulez. Maintenant. Mickaël, à la radio. C'est encore mieux qu'un concert d'André Rieu. Fun Radio. 8h46 sur Fun Radio et on fait un tour du côté du trafic maintenant. Que se passe-t-il sur les routes, Julie? Eh bien écoute, il y a un animal sur la voie publique, donc sur le 42 Liège en direction de Mons, à hauteur de Gosselies, et c'est la bande de gauche et du milieu. Oh, c'est un cadavre de chien, voilà. Super, super. Oui, Tu perds, c'est bon, une double éterté. Ouais, mettre ping tout la à l'heure. La bande de gauche et du milieu qui sont obstruées. Oh, c'est Gucci. Non, c'est pas la mienne, heureusement. Ah, c'est pas Gucci ? Non. Ah bon, ça va alors. Voilà. Bon, ouais, si vous êtes témoin d'un accident, d'un problème, d'un flash sur la route, n'hésitez pas à nous transmettre les infos. Et là, il y a des gros bouchons partout, un problème à Bruxelles. Voilà. C'est bien avec Julie, tu vois, tu ne mets pas dans le détail. On peut y aller, hein. Elle nous fait pas chier, hein. On peut y aller, mais les infos, on va pas les faire avant 9h15. Alors, si je commence à tout décrire. C'est con parce que j'ai pris un peu d'avance là, donc tu vois. Enfin, un peu d'avance. Je vais rattraper le retard, c'était bien. Non, mais non, c'est pour ça qu'on va. Bon, donc c'est bouché un peu partout. Bon, bah très bien. Bon, bah bon courage. C'est une grande nouvelle en même temps. Non, c'est vrai aussi, c'est vrai. Bon, 8h46, on fait un tour du côté de... La ligne anti-relou. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Eh oui, c'est chaque matin sur Fun Radio, à 7h-15, 8h-15, 9h-15. La ligne anti-relou, c'est le numéro qu'il faut connaître impérativement et qu'il faut donner à tous les relous de Belgique. 0-473-86-00-13. Le numéro qu'il faut donner dès que quelqu'un passe derrière vous, même devant vous, peu importe, afin de vous prendre la tête, prendre le chou et vous saouler toute la soirée. Vous en avez marre et pour vous débarrasser de lui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donner un numéro de téléphone, c'est ce qu'il veut le relou. Et à la place de donner le vôtre, parce que du coup vous ne serez qu'en sursis, eh bien donnez le nôtre. Du coup, il va être persuadé et appeler sur votre numéro de téléphone. De 1, vous aurez la paix pour la soirée, et de 2, vous aurez la paix pour toujours, sauf si vous le recroisez. Bon, oui, enfin, ça c'est disons que pas de bol. Techniquement, il y a quand même peu de chance. Et donc du coup, en donnant ce numéro de téléphone, il tombera chez nous, et nous chaque matin nous pourrons diffuser les meilleurs moments, les meilleurs messages laissés par tous les relous de Belgique. Commençons maintenant par le premier. Apparemment, je sais pas qu'on se voit. Oui. Mais le français est une langue difficile. Le téléphone, quand tu as envie, comme ça, je sais quoi, ou ça, quoi. Je sais pas, on verra. On à la prochaine. J'espère qu'on se connaît, on va se voir. Oui, bah c'est pas sûr. Oui, alors donc, il faut savoir. Il faut savoir que le relou de base, visiblement. Est souvent bourré. Donc, oui, alors déjà, ne sait pas parler bien, ne sait pas très bien parler français, et surtout. Eh bien, appelle une fille qu'il aimerait bien courtiser avec un téléphone de merde, où tu ne comprends absolument rien de ce qu'il raconte. Donc, c'est quand même pratique. C'était aussi notre quota cassos. Ah oui, non, mais là, ce soir, c'est du gros dossier. Ah bah là, enfin, ce matin. C'est dis donc, dossier. Alors, je lui dis, hein, comment tu dis que tu sois à soir, hein ? Ça y est, je me. faut savoir que. Parce que, évidemment, j'ai fait des libres antennes le soir pendant plus mais de 10 ans. Moi, jamais. Et qu'est-ce que je dis ce soir? Je ne sais pas. Donc, non, c'est parce qu'en fait, elle est sortie. Elle est allée dans une soirée où c'était le feu. Elle a clubé toute la je nuit. Encore, donc, ouais. Voilà, c'est passé ça. Pour un elle. Week-end, ouais, non, ouais, de pour feu, elle, c'est ouais. Le soir, quoi. Là, c'est-à-dire qu'elle vient de boire. Tu sais, tout le monde boit du café. Elle a pris un vodka à bulle, là, à l'instant, là. Ouais, c'est ça, bien donc, sûr. C'est pour ça, elle est encore un petit peu méchée, quoi. Bien sûr. Allez, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou ce matin. C'est qui là au téléphone? Je veux savoir c'est qui. Hey. J'aimerais bien entendre ta voix quand même. Hey. Au téléphone ou tu laisses ton numéro Voilà, encore notre deuxième petit relou du jour. Et enfin, le troisième pour terminer. Troisième message laissé sur le 0-473-86-00-13. Ouais, salut. Bah, tu me rappelles pas. J'étais prêt à me ruiner pour toi. Et ben voilà, ah tant pis. Pauvre loulou. Je pense que tout est dit. Tant pis. Voilà. Bon, au niveau des réponses, on avait une bonne réponse, Toff, pour le. La petite devinette. La petite question qui colle. Malheureusement. Je suis très déçu. Non. Attends, je revérifie quand même. Bon, j'avais posé la question. Pourquoi Alexandra Moon a-t-elle été virée de l'émission Next Top Model? Et donc Alexandra Moon, qui a 18 ans, qui pèse 57 kilos et qui fait du 38, d'après son indice BMI, donc en fait elle est considérée comme trop mince, mais pas pour l'émission Next Top Model, qui a jugé, donc je cite l'un des jurys, donc Alex Perry, qui a dit le corps de la jeune fille est un sac rembourré. Voilà, la fille est donc choquée évidemment. Elle a été virée parce qu'elle faisait un 38 quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc 38 visiblement pour trop, le jury, c'est trop, une taille c'est normale trop. En fait. Voilà, donc. Attends, 57 kilos, attends, mais non, mais c'est pas trop, loin de là, tu rigoles quoi. Non, 38 ça va, c'est bien. 38 c'est très bien. Donc voilà, donc c'était comme quoi il y a des cons partout. Malheureusement. Ça, on le savait, c'est pas une grande nouvelle. Hein. C'est pas faux. Dans un instant, la petite devinette qui colle, ce sera un petit peu avant 9h. Et nous allons également récupérer notre ami Maître Ping pour rappeler encore d'autres. C'est quoi, des restaurants, Maître Ping? C'est quoi, vous avez appelé? Non, c'était pas des éleveurs. Des éleveurs. Afin d'avoir un chien, évidemment. Bon, allez, c'est parti. On s'envoie maintenant le son de LMFAO sur Fun Radio avec. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? D'accord. Pas du rock and roll. matin. Entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Voilà, tout simplement. Allez, les MFAO maintenant. Natalia Kills. À 8h51, bonjour et bon réveil tout le monde. C'est Fun Radio et c'est Champagne Showers. LMFAO sur Fun Radio, Champagne Showers à 8h55. Je vous rappelle que nous allons dans à peu près un quart d'heure vous payer vos factures maintenant. Ça n'a pas décroché tout à l'heure à 8h10 quand nous avons essayé. Ce qui veut dire que maintenant vous avez jusqu'à 9h10 pour vous inscrire et je ne sélectionne que et uniquement ceux qui se sont inscrits entre 8h10 et 9h10. Voilà. 6322, débutez le message tout simplement par facture avec votre le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Et dans un quart d'heure, peut-être que j'appellerai chez vous en direct dès que Toff aura choisi le numéro. Mais oui, je vais le choisir. Mais oui, mais reste calme, c'est dans un quart d'heure, donc t'as un petit peu de temps. Et puis il y a les scooters aussi, les Kimco 125 cm3 qui sont à gagner avec 25 euros d'essence gratos chez Octaplus. Sachez que si vous jouez avec nous et que vous passez à l'antenne, même si vous ne trouvez pas la plaque du scooter, vous repartirez quand même avec les 25 euros chez Octaplus. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et si vous voulez jouer aussi, ce sera tout à l'heure avant 9h30. Scooter, vous envoyez scooter au 6322. C'est aussi 1 euro par message. Vous laissez vos coordonnées complètes et on vous rappelle d'ici quelques instants aussi pour tenter votre chance pour repartir avec ce scooter Kimco Like 125 cm3 qui vaut quand même près de 2000 euros, ce qui n'est quand même pas rien non plus. Bon, vous êtes toujours là, Maître Ping? Bien sûr. Ouais, toujours besoin de chien, donc hein, c'est ça. Hein. Bien sûr que j'ai toujours besoin de tien. Ouais, non, parce que ce matin, Maître Ping, le restaurateur chinois qui est à côté de la radio, donc, est venu nous voir parce que son fournisseur, qui lui se trouve à Paris, a été arrêté. Et bon, bah, du coup, il doit trouver un nouveau fournisseur de chien. C'est ça, exactement. Et donc, les clients vont pas comprendre parce que pourquoi il y a plus de tien sur la carte. Donc, il faut que j'en trouve d'autres. Ben, c'est ça, voilà, évidemment. Et je suis pas sûr que ça dérange beaucoup. Sinon, évidemment, Julie, qui est une fan hein, de viande de chien. Non, mais c'est parce que vous n'avez jamais goûté, vous pouvez pas comprendre. C'est... Vous pouvez pas comprendre le goût que t'es délicieux. Je veux même pas savoir. Ah, t'as jamais goûté? Alors, quoique j'ai été au Vietnam, je suis pas tout à fait sûre de savoir exactement ce que j'ai mangé. On n'est pas à l'abri que t'aies mangé le petit frère de Gucci. Je pense pas, mais c'est-à-dire que quand tu vas dans la. Parce que voilà, c'est bien, dans la rue, ils s'installent tous pour cuisiner. Et c'est vrai que quand t'achètes un truc dans la rue, bah, tu sais forcément pas trop ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que c'est? C'est poulet. Ah ouais, donc, il parle pas un mot de français, ça veut même pas te dire que c'est poulet. Non, mais c'est toi qui parles pas un mot de vietnamien. Mais c'est quoi ces gens qui ne parlent pas français? C'est ça. Ni l'anglais. Enfin, merde, quand ni même. Ni l'anglais. Ah oui, vous savez comment on cuit le tien? Non, mais je veux pas savoir. Non, ça ira. Bon, Maître Ping, on va téléphoner, on va à Anderlu. On a essayé tout à l'heure à Florifou, on a essayé à Ussigny, là on va à Anderlu. Allons-y. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. De temps que t'es bon là, tu vas avoir le tien. À Florifou, ça n'a pas bien marché. À Ussigny, par contre, il était prêt à vous donner le chien. Oui, c'est vrai. Bon. Allez, c'est parti, on y va à Anderlu maintenant. Puis il y aura les infos aussi à 9h. Et la petite devinette qui colle. Salut maman, vous. Bonjour monsieur, voilà, je me présente, je m'appelle Maître Ping. Voilà, je vous appelle parce que je suis restaurateur. Oui. Et je voulais savoir si c'est bien vous qui faites élevage de tien. Élevage de chien, oui. Monsieur. Oui, c'est bien ça. Oui. Voilà, je voulais savoir combien vous vendez le tien. Quel chien, monsieur? Ça dépend, enfin moi, ça n'a pas d'importance, c'est pour la cuisine. C'est pour la cuisine ou vous voulez des gros? Oui, tu veux des bien gras, c'est ça. Des bien gras, on a des bien gras, monsieur, oui. Hein. Ah, bon, très bien. Et vous vendez combien, les bien gras? Le bien gras, une vingtaine d'euros le kilo. On en a déjà qui sont congelés, d'ailleurs. Ah, c'est vrai? Vous faites déjà des congelés? Ah, c'est parfait, tu vois, vous avez l'habitude. C'est très bien. Bon, bah, écoutez, comment on peut faire, alors, pour récupérer le tien? Oh, mais dites-moi, vous voulez un chien de combien de kilos? Et à ce moment-là, on s'arrange, on peut le faire découper et le pré-cuire aussi. Oh. Non, t'as, je préfère faire moi-même des recettes spéciales. Oui, bien sûr. Vous savez, je suis grand chef étoilé au guide des Ping d'Or. Et donc, t'es pour ta... Alors, comment est-ce qu'on peut t'arranger? Moi, je vous dis, voilà, parce que moi, j'ai des clients assez difficiles. Donc, t'es pour ta... Il faut du tien quand même qui soit d'assez bonne qualité. Oui, un vieux, mais le mieux, c'est de prendre alors un très vieux chien. La viande est beaucoup plus tendre. Oui, exactement, mais il faut qu'il ait été un bien... Un chien d'une quinzaine d'années, là, donc c'est l'idéal. T'as, t'es parfait. Vous en avez, t'as? J'en ai encore pour le moment. Ils n'ont plus de dents, mais les dents n'ont pas d'intérêt. Non, t'as pas d'importance. De toute façon, j'enlève la tête. Je fais rien avec la tête. Oui. Ouais, oui. Bon, très bien. Bah, écoutez, je peux passer prendre tout à l'heure? Mais tout à l'heure, c'est pas possible. Appelez-moi demain matin et à ce moment-là, on s'arrangera. Ah, demain, je vous rappelle. Alors, d'accord, je vous rappelle demain. Ok, parfait. Mais très bien, monsieur. À demain pour le. Alors, oui. Je passerai prendre livraison. Ok, au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, monsieur. Merci, au revoir. Ouais, donc le mec il te donne des conseils de cuisine quand même. T'as vu, voilà, Tate est un très très bon fournisseur. Bah voilà, vous avez trouvé un nouveau fournisseur. Mais alors, oui, très très bien, en plus il en a déjà congelé, tout, ouais, Tate, c'est parfait. Alors moi j'essaie de me persuader que l'homme a juste beaucoup d'humour. Oui. et que ça n'arrive absolument pas. Que... Mais bien sûr, cet homme a beaucoup d'humour. Oui, ouais, tout à fait. Beaucoup d'humour dans ton condélateur. C'est vrai, c'est vrai. Bon, maître Ping, passez une bonne journée. Rendez-vous ce soir, je passerai au restaurant, vous mettez un 23 et un 17. Hein. D'accord, bien sûr, comme d'habitude. Oui, très bien, parfait. Je vous mets pas un petit peu de tien pour goûter. Non, ça va aller, ça va aller. Peut-être pas de... vous rater quelques taux. Oui, ouais, peut-être, mais ça va aller. 9h du mat, dans une minute, ce seront les infos et la petite devinette qui colle. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. 9h01 sur Fun Radio, soyez les bienvenus si vous débarquez. Jean-Marc Morandini en interview, ce sera d'ici quelques instants, donc restez bien là. On va encore rembourser vos factures aussi d'ici quelques minutes. Et puis la petite devinette qui colle avant les infos. Que dit un bébé éprouvette à son père ? Ah oui, je vois, oui. Voilà, si vous avez la bonne réponse, 63-22, il y a des appareils photo numériques qui sont à gagner. Donc, que dit un bébé éprouvette à son père ? N'hésitez pas, on se fait les infos maintenant. Qu'est-ce qui t'arrive, Toff ? Non, non, rien. Ah bon, d'accord, ok, très bien. Allez, les infos maintenant, 9h01 sur Fun. Et on passe aux infos maintenant, Julie. Salut à tous, grève à la STIB ce matin à Bruxelles. 11 lignes de bus sont à l'arrêt. C'est le dépôt Jacques Brel à Anderlecht qui est parti en grève suite à des agressions ayant eu lieu hier soir contre deux bus de la ligne 84 à Molenbeek. Jets de pierres et coups de feu, c'en était trop pour le personnel qui a débrayé. Une réunion en ce moment décidera de la suite des événements. La ministre bruxelloise de la mobilité, Brigitte Grouwels, se met encore les taximens à dos. Elle annonce l'arrivée des taxis électriques à Bruxelles. Après avoir revu le look des véhicules, après avoir proposé les taxis-motos, la ministre annonce le lancement d'une étude pour l'utilisation des voitures vertes et l'Union professionnelle des taxis se prononce déjà contre ce projet. À Charleroi, une terrasse s'est effondrée et un jeune homme a chuté de 4 étages. Les faits se sont passés hier soir. Deux hommes de 25 ans se trouvaient sur la terrasse d'un appartement boulevard Thiroux. Lorsque la rambarde de celle-ci s'est effondrée, le premier est parvenu à se rattraper au balcon du troisième étage, mais le second a chuté. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Il est gravement blessé et est toujours dans un état critique ce matin. D'après les premiers éléments de l'enquête, la vétusté du bâtiment est remise en cause. Le vent a atteint près de 170 km/h lors du festival Pokolpop le 18 août dernier. C'est ce qui ressort de l'enquête menée par des experts. Selon les spécialistes, des rafales d'une telle intensité sont très exceptionnelles et les conséquences qu'elles ont eues encore plus. Pour rappel, 5 personnes ont perdu la vie lors de cette édition du Pokolpop. Semaine importante au chapitre politique. Une réunion devait se tenir aujourd'hui autour du formateur avec les 8 présidents de parti prêts à négocier, mais elle a été reportée à demain matin. Motif, une difficulté d'agenda de Jean-Michel Javot. Lors de cette réunion, Élodie Rupo présentera aux 8 les modifications à sa note. Et puis, actualité à l'étranger en France. Aujourd'hui, c'est l'ouverture officielle, historique du procès de Jacques Chirac et des 9 autres prévenus dans l'affaire des emplois présumés fictifs de la ville de Paris. Mais les avocats de l'ancien président de la République ont déjà annoncé samedi que leur client ne pourrait pas se présenter au procès pour des raisons de santé. Et puis enfin en sport, non. Bah, vas-y, du sport. Et puis enfin en sport, grosse frayeur pendant la conférence de presse de Rafael Nadal. Il devait commenter sa victoire à l'US Open, mais il a été pris de crampes très violentes. Il a presque fait un malaise, la salle de presse a été évacuée, mais plus de peur que de mal, il va bien. Voilà, maintenant passons à la météo. Voilà, exactement. Allez. 9h04. Aujourd'hui, on aura droit à quelques éclaircies et quelques averses isolées, surtout à l'ouest du pays. 15 à 20 degrés cet après-midi pour les températures. Matinée pluvieuse demain avec éclaircies l'après-midi et jusqu'à 21 degrés. Et en espérant qu'on ait de la lumière demain, puisque vu qu'il va faire pluvieux, on ne verra rien jusqu'à 8h. Voilà, voilà. Ça va être cool. Oui, pour ceux qui viennent de débarquer, on a une panne de courant. Donc, on l'a fait avec les moyens du bord ce matin. Mais bon, pour vous, ça n'a pas changé grand-chose, rassurez-vous. 9h05, dans un instant, on paye vos factures et on donne la réponse aussi à la petite devinette qui colle. Que dit un bébé éprouvette à son père ? Allez, 63-22, c'est 1€ par message et il y a des appareils photo numériques à gagner. Fun Radio. Fun Radio. 9h06 sur Fun et avant de vous rembourser les factures, nous allons faire un tour du côté de l'info en plus, la dernière d'aujourd'hui. Eh bien, une info en plus plutôt hallucinante. Ce matin, un Français originaire de Nice a dû payer 10 000 euros à son ex-épouse pour, tenez-vous bien, ne pas lui avoir fait l'amour durant plusieurs années. Mais il faut savoir que Toff demain va donc téléphoner en France, enfin, ou même peut-être ici tout simplement. Hein. Mais bien sûr, moi je veux être remboursé. Parce que sa femme, il ne couche pas assez avec sa femme et voilà. Donc il gueule. Donc c'est très... je veux des indemnités. C'est très sérieux. Couchage. Oui, bah ça j'imagine, oui. Ah oui, oui. Donc la loi française en fait prévoit que les conjoints doivent respecter une communauté de vie et des rapports sexuels inclus. Donc après 21 ans de mariage, le divorce a été prononcé et la femme en a profité pour demander des dommages et intérêts pour parce qu'ils n'ont pas couché ensemble, c'est normal. Et le pire c'est qu'elle a gagné, c'est ça qui est exceptionnel. Et 10 000 euros quand même. Ah, ouais. Non mais c'est bien, hein, bravo, tant mieux pour elle, hein, c'est pas ça. Hein, oui, bien joué. Mais bien, vraiment bien joué pour le coup, effectivement. Ouais. Bon, tout à l'heure, on va vous payer vos factures. Il y a l'interview de Jean-Marc Morandini aussi dans quelques instants. Et à 9h07, on va s'écouter le son de Stromae. C'est Peace or Violence maintenant sur Fun Radio. Bon réveil et bonne matinée tout le monde. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Stromae sur Fun Radio à l'instant. Peace or Violence, 9h10. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, un bon week-end également. Mickaël à la radio, c'est jusqu'à 9h30. Et à 9h30, c'est Lucas qui va reprendre, qui va prendre l'enlais pour vous passer tous vos sons, puisque jusqu'à 13h, ce sera le self, bien entendu. Le self qui sera là avec Lucas et donc tous vos messages et tous vos titres que vous pouvez choisir aussi jusqu'à 13h. Voilà, tout simplement. Ça se passe au 30-44 en débutant votre message par le self. Et nous allons maintenant payer des factures. Allez. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Voilà, c'est tous les matins que ça se passe sur Fun Radio. Ça n'a pas décroché tout à l'heure, donc vous avez pu vous inscrire entre 8h10 et 9h10. Maintenant, je n'ai sélectionné que les gens qui se sont inscrits pendant cette heure-là. Et si ça ne décroche toujours pas, là on va faire un hold-up, puisque nous appellerons quelqu'un. Là vous aurez qu'un quart d'heure pour vous inscrire, donc ça veut dire que vous aurez encore plus de chance. Ça s'appelle un hold-up. On verra. On verra comment ça va se passer. Déjà, il faut que ça décroche. Toi, on rembourse combien là? 60 euros. Allô? Allô? Bonjour. Oui. Bonjour. Quelle radio tu écoutes? Fun Radio. Mais bien évidemment. Ben voilà. Comment tu t'appelles? Marie. Salut Marie. Tu es dans quelle ville, Marie? Je suis de Woluwe. Tu es de Woluwe, c'est dans la région de Bruxelles. Donc 104.7 pour écouter Fun à Woluwe. Et on t'appelle pour te payer ta facture. Alors, est-ce que l'argent va directement aller à Woluwe ou pas? On va voir. Quel est le montant de la facture? 60 euros. 60 euros, c'est pour payer quoi 60 euros? Génial, ce sont des frais d'hôpitaux. Ah, d'accord, ok, mais très c'est bien. C'est cool ça. Ouais, mais moins drôle, enfin c'est bien parce que si on te les a remboursés, du coup ça va. Mais ça va, t'es guéri, t'es. Non, toujours pas. Ah, pas encore. D'accord. Bon, écoute, ce sera toujours ça de prix alors. Hein. Bon, en tout cas, on te souhaite bonne chance alors quand même. Hein. Mais courage surtout. Mais courage aussi, merci d'accord. Merci beaucoup. Il n'y a aucun problème. Ça me fait énormément plaisir. Eh ben écoute, bah, nous aussi. Voilà, ouais. 60 euros. Enfin, le boss pas, mais nous oui, parce que c'est pas notre pognon. Donc au final, on est content de faire plaisir, tu vois. Voilà, ouais. En fait, tu vois. Bonne journée à vous tous. Mais bonne journée à toi, à bientôt. Merci, au revoir. Tu vois, et Julie sera certainement d'accord avec moi. Je suis tel Robin des Bois. Je prends aux riches pour donner aux pauvres. Ah oui, ça c'est sûr. Tu vois. Alors moi je suis pauvre, donc tu es censé me donner de l'argent aussi. C'est vrai, mais comme quoi il y a des exceptions partout. Oui, d'accord, hein. Ok. Ah ouais, c'est ça le problème. D'accord. Bon, restez bien là, dans un instant, c'est Lucenzo et Don Omar avec Danza Kuduro. Et puis juste après la pause, il y aura Jean-Marc Morandini qui va venir pour l'interview. On vous l'avait promis, ça va arriver dans quelques instants, puisque Jean-Marc Morandini débarque sur AB3 également à 18h55 avec son émission Morandini. Ça arrive dans quelques instants, ne bougez pas de là. Mickaël à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben essaye de me réveiller déjà, espèce de petit. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Cartman. C'est toi aussi, tu t'es appelé la mère de Kyle hier? Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Le son Lucenzo à l'instant sur Fun Radio. Lucenzo avec Don Omar, c'était Danza Kuduro. Si vous aimez ce style de musique, rencard tous les vendredis soirs, minuit, 1h du mat sur Fun Radio. C'est l'Invasion Latina. C'est avec Manu sur Fun. Mickaël à la radio. Fun Radio. Hey, Mickaël, c'est John McClane. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas le sentir passer. Je fais du 46, coco. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Allez, youpi-kai, pauvre con.

Ouais, toujours célibataire. Oui, mais ça faut lui demander. En fait. Mais top, c'est physique. Hein. Ouais, je sais bien, mais tu sais peut-être que la beauté intérieure va triompher. Ouais, mais c'est ce qu'on se dit. Il y a un moment, je crois que c'est pas possible. Bon, en tout cas, bah, bonne chance pour l'émission sur AB3, 18h55. Donc, ouais. Bon, merci Jean-Marc. Bonne journée. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être là. Eh ben, écoute, avec plaisir. Et puis nous, on va revenir dans un petit instant. Ne bougez pas de là. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Bon, après réflexion, Lucas, t'as encore 5 minutes là, hein. T'as bien 5 minutes qui traînent. Tout le temps que vous voulez, on est lundi, bon, donc je ralentis. Eh ben, attends, bah, nous aussi, alors là, on va que la radio ralentit ce matin. Non, parce qu'on a encore le scooter là, il faut qu'on prenne quelqu'un dans un instant là pour le scooter. Il y a les. Forcément, on est en retard. Et puis, bon, on revient dans un petit instant. Julie qui. Bon, tu dois partir, Julie, tu veux partir plus tôt? C'est-à-dire qu'il faut que je file, moi. Tu veux que je te fasse un petit. Tu files quoi? Bah, tu me craches dessus là, ça va, tu me craches dessus. Non, il faut qu'elle file aux toilettes parce que. J'ai du boulot qui m'attend ailleurs. Ah, parce que je croyais que tu devais aller vomir à cause du gras de la fin de ça, ça aussi, mais je n'ose pas le dire. Elle va faire du sport un peu, elle va courir jusqu'à son autre travail. Mais ouais, voilà, c'est une très, très bonne idée. Bon, ne bougez pas, on va prendre un petit peu de temps là sur Lucas, mais on revient juste après. Ne bougez pas de là avec vous toutes et vous tous en direct et puis avec le scooter. Je vous rappelle que vous pouvez encore vous inscrire dès maintenant si vous voulez avoir une chance de repartir avec le scooter Kymco 125 cm3. C'est au 6322 en débutant le message par scooter et la réponse aussi à la petite devinette qui colle. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Oui, on fait un peu de rab, hein. On est un petit peu en retard là. C'est pas compliqué, on a commencé en retard et c'est foutu. Ah, tu commences en retard et après t'es foutu, hein. T'es foutu pour le reste de la journée. D'ailleurs là, je sais que je vais me coucher en retard ce soir, hein. Ça c'est clair, parce que je vais continuer et j'arriverai pas à rattraper cette route en retard. D'ailleurs, on fera le morning vendredi, il sera 18h. Ouais, parce qu'on aura accumulé tout le retard là. L'afternoon. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, en parlant de ce soir, d'ailleurs, je vous rappelle que c'est le retour d'Evan avec Monsieur Moon dans la tribu ce soir à partir de 17h. Bon, avant ça, nous avons Françoise qui est avec nous, qui voudrait tenter de gagner le scooter. Enfin, ou peut-être pour le petit-fils, ou enfin, je ne sais pas. Salut Françoise. Allô Françoise. Bonjour. Ah, voilà, ça va. Comment ça va Françoise? Allô. Oui Françoise, tu nous entends? Oui, je vous entends, mais très mal. Ah oui, bah c'est pas un téléphone pourri, si je puis me permettre. Hein Françoise, enlève ton kit main libre. Ah, pardon. Voilà, tu vas voir, tu vas tout de suite nous entendre beaucoup mieux, et nous aussi, je pense. Françoise? Ah, bah là, on l'a perdu. Ah, voilà. Vous m'entendez? Eh, bah voilà, maintenant, tu nous entends mieux. Oui, beaucoup mieux. Eh, bah, je vais te dire, nous aussi, tu vois, comme ça, c'est bien. Bon, Françoise, t'as quel âge et dans quelle ville? J'ai 36 ans et j'habite Jupy. D'accord, très bien. C'est pour toi, ce serait pour toi le scooter si tu le gagnes? Non, c'est pour mes enfants. D'accord, mais y a pas de mal, hein, y a pas de mal. Bon, alors, mais attends, mais 36 ans, ils ont quel âge, les enfants? Parce qu'ils doivent pas être bien vieux, quand même. 14 ans, 9 ans et 3 mois. Ah ouais, donc c'est pour celui de 3 mois quoi, le scooter. Oui. Ouais, très bien, ok. Non mais comme ça j'ai bien noté. Bon alors attention, tu vas peut-être repartir avec le scooter Kymco Like 125 cm3, mais sache que d'ores et déjà, tu as gagné 25€ de carburant chez Octa Plus. Voilà. Ah bah ça, c'est super. Ça c'est déjà acté. Alors, il faut deviner la plaque d'immatriculation du scooter. Si tu as la bonne plaque, tu as le bon scooter. C'est normal. Si tu n'as pas la bonne plaque, eh bien tu retourneras chez ta mère. On y va, attention. Quand tu veux, dis-moi, quelle est, à ton avis, la plaque d'immatriculation du scout? BJA 350. Eh bien, bravo. Aucune lettre ou chiffre. Voilà, bon, bah, j'espère que vous avez bien noté les chiffres et lettres qu'elle a donné, puisque sachez que aucun de ces chiffres ou aucune de ces lettres ne se trouve dans la plaque qu'on cherche. Voilà, bon bah écoute, tant pis, t'as gagné les 25€ chez Octa Plus, c'est le principal, hein. Eh bah oui, c'est le principal, mais merci. Mais bien sûr. Bon bah écoute, gros bisous à toi, embrasse les enfants et tu reviens quand tu veux. À bientôt. Je vous remercie, au revoir. Allez, à bientôt sur Fun, ciao, bye bye. Bon, et avant de prendre la devinette qui colle la réponse, nous avons un petit message pour tous les grévistes de la STIB du dépôt Jacques Brel qui ont fait grève. Aujourd'hui, qui sont mis en grève aujourd'hui. Voilà, hein. Qui sont mis en grève, donc musique. Donc voilà. Ils ne quitteront pas, ils ont débrayé, n'iront pas bosser. Si les syndicats ne trouvent pas d'issue, tu l'auras dans le cul comme à chaque fois. À savoir comment aller faire des heures quand les bus roulent pas comme 10 fois par mois. Tu l'as dans le baba, ils ne quitteront pas, ils ne quitteront pas, ils ne quitteront pas. Moi, si je devais bosser à la STIB, je collectionnerais les certificats. Je demanderais à ma femme de dire que je suis mort. Je pèterais le motor en buvant des bières. Je me ferais agresser par mon pote Oussama, mais aussi par Benoît, pour avoir une grève. Ils ne quitteront pas, ils ne quitteront pas, ils ne quitteront pas. Merci. Eh oui, bravo, bravo, bravo. Petite chanson de soutien. De circonstances. Eh oui, de circonstances aussi d'ailleurs pour tous les grévistes de la STIB. Hein, on pense à tous ceux qui n'ont pas pu aller au travail ou au premier jour d'école. Donc voilà. Voilà, c'est juste ce qu'il fallait souligner, bien entendu. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Ou alors on a encore le gagnant de la finale. Non, on a José quand même encore. Ah ben, José. Salut José. Oui, salut. Comment vas-tu José? Impeccable. Bah tant mieux, sois le bienvenu José. On avait la petite devinette qui colle. Devinette qui colle, c'est la suivante, écoute-la bien. Enfin tu la connais mais je vais quand même la répéter pour ceux qui viennent de débarquer. Que dit un bébé prouvette à son père? Salut branleur. Eh ben voilà, hein, tout c'est con mais voilà. Bon, eh ben bravo, bah oui, ça te permet écoute, de repartir. Bah oui. Non mais ça te permet de repartir avec des cadeaux José, et ça c'est le principal. Ah ouais, bah ça c'est super, et vous êtes vraiment des... Allez, il n'y a pas de qualificatif pour tu, vous. Tu peux quand même en trouver un. Vous êtes une bande de super gars. Vous mettez une ambiance, hein, pas possible le matin, et avec le temps qu'il y a, c'est vraiment super de vous avoir à la radio. José, pour le boss, tu peux le répéter encore un coup? J'enlève la musique, ouais. Hein, voilà, regarde, donc tu t'adresses à Grégory, voilà, regarde. Ouais, salut Grégory, vous avez une équipe d'enfer le matin, avec le temps de... qu'il y a sur notre pays, avec votre équipe, on a directement le soleil et la bonne humeur. Voilà, et grâce à nous, tu n'écoutes pas d'autres radios, c'est bien ça, hein? Pas du tout. Voilà, ben c'est magnifique. Merci José. Merci à vous. Chèque, José, t'inquiète. Ouais, on t'enverra un petit virement PayPal. oui, parce que j'achète beaucoup sur eBay. Ah bah tu vois en plus, ça, c'est bien ça. Bon bah super, bon bah merci José. Voilà. Salut José. Et ben je te renvoue au standard, on va prendre tes coordonnées José. À bientôt. Ah OK, merci beaucoup. Salut, salut. Passez une bonne journée, à demain. Ciao, merci, bye bye. D'ailleurs, je suis très déçu, je tiens à signaler que je n'ai pas eu le moindre retour, enfin si j'en ai eu mais quelqu'un qui me vend un vélo à 1000 euros. Donc je n'ai pas eu le moindre retour de quelqu'un qui serait prêt à me vendre un vélo. Je cherche un VTT depuis tout à l'heure. Qui sera malheureuse. Mais non, mais toi. Attends, mais il sera pas malheureux, je vais le sortir et tout, ça va être bien. Ouais, sinon le sortir, c'est-à-dire tu vas le mettre devant chez toi ou... Non, non. Sinon tu peux demander à Tom Bonnen de te le prêter pour le reste de l'année. C'est pas faux. J'y penserai. Bon, passez une bonne journée en tout cas. On a fait un petit peu de rab aujourd'hui, mais c'est pas grave. On sera de retour demain à partir de 6h du mat. Dans un instant, Lucas va débarquer avec le self comme chaque matinée. Vous allez pouvoir choisir les disques qui passent sur Fun Radio. Vous allez jouer au programmateur et les vrais programmateurs, hein, pour le coup. Il suffit tout simplement de nous envoyer un petit message au 3044, c'est 50 centimes le message, en débutant par le self, ou alors gratuitement sur lucas@funradio.be. Voilà. Bonne chance aujourd'hui, il y a des scooters à gagner toute l'après-midi et toute la journée sur Fun Radio, y compris ce soir dans la libre antenne avec Vince des scooters Kimco. Vous pouvez vous inscrire aussi pour jouer à l'Euro Million pour gagner plus de 100 millions d'euros. Et puis, puis voilà, bonne chance pour tous les jeux. Et puis à demain, 6h. Ciao tout le monde, bye. Il vous manque déjà? C'est impossible. Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.